Auditrice, amis auditeurs, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de RGM, vous pouvez vérifier, 107 MHz, tout à fait, oui, 107 MHz, une radio qui est libre depuis 40 ans, enfin qui essaye d'être libre depuis 40 ans, parce que ça n'a pas toujours été facile d'être libre, hein, on est dans un monde qui, hein, oui, voilà, hein, mais bien sûr. Alors le programme de ce soir, calendrier des esclavages et des libérations, eh bien d'abord, ben, le calendrier, bien sûr. Ensuite, discours du 8 mai 1945 de De Gaulle. Puis, France Inter, Mélenchon, futur Premier ministre, en trois épisodes. Et puis, médias législatives, pourquoi Macron a raison d'avoir peur. Pourquoi Macron a raison d'avoir peur. Les grandes invasions, irruption des Huns. Et puis, bon quinquennat. Une petite blague, hein? Bon quinquennat. Voilà, ce sera pour tout pour ce soir. calendrier des esclavages et des libérations du 16 mai. Eh bien, le 16 mai de l'an 142, à Rome, le 17 des calendes de juin, Dacius Brocius achète l'esclave grec Bellicus, fils d'Alexander, pour la somme de 600 deniers. Cet esclave est livré sain, garanti ni voleur, ni délictueux, ni fugueur, ni fugitif, ni épileptique. Un parmi des millions d'esclaves qui sont vendus à cette époque à Rome, en l'an 142. 1525, France. Violent combat en Alsace entre la bande paysanne de Stefanfeld, Brudmatt, 6000 hommes, 1525, 6000 hommes, et les féodaux à Lupstein, à 7 km à l'est de Saverne. Massacre effroyable de paysans, de femmes et d'enfants. Massacre effroyable de paysans, de femmes et d'enfants. Au cœur de la bataille, le capitaine écrit au conseil de Strasbourg, qui reste insensible, ayant pris position pour les féodaux, deux points ouvrant les guillemets, « Dieu incitera d'autres qui seront plus pieux, qui feront ce que nous n'avons pas pu faire. » 1814, Espagne. Libération des prisonniers survivants des armées napoléoniennes vaincues en Espagne. 3380 hommes sur environ 10 000 déportés à l'île de Cabrera. 1907, France. À Flers, la grève continue. Une première soupe communiste est distribuée à 800 personnes. Des popotes populaires affermissent les liens des grévistes entre eux et avec une grande partie de la population. 1943, Pologne. Dans son rapport à Himmler, le chef de la répression du ghetto de Varsovie parle de l'anéantissement des Juifs qu'il traite entre guillemets de bandits et sous-hommes, fermons les guillemets. La totalité des Juifs capturés et ceux dont l'extermination a été prouvée s'élève à 56 065. L'héroïque résistance du ghetto a pris fin. 1946, France. Loi sur les comités d'entreprise. 1968, France. Le matin, 1200 salariés d'Unelec, Orléans, débrayent. Le mouvement gagne Renault de Flins. Alors malheureusement, mon petit livret s'arrête le 16 mai 1968. Mais bien entendu, l'histoire ne s'est pas arrêtée ce jour-là. Par exemple, reçu récemment, Tahar Bouaf, communiqué. Depuis plusieurs semaines, j'encaisse une tempête d'attaques sans précédent. Tous les jours, une nouvelle calomnie, une nouvelle insulte, une nouvelle menace de mort, une nouvelle accusation. Je n'ai même pas eu l'autorisation de répondre, ne serait-ce que pour défendre ma dignité. Je crois bien avoir acquis la certitude qu'aux yeux de beaucoup, je n'ai pas le droit d'exister politiquement. J'ai sous-estimé la puissance de ce système quand il veut vous brouiller. J'aurais aimé tenir bon, j'aurais aimé vous rendre fiers, vous tous qui, comme moi, entre guillemets, ne sont rien. Vous que j'ai décrit dans mon livre, vous qui avez trouvé dans le militantisme une raison de continuer à espérer dans ce monde si égoïste. J'ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. J'espère que cette déclaration ne vous fera pas baisser les bras. Continuez à vous battre. Pour ma part, j'ai essayé, je n'y arrive plus. Viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens. N'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui nous va.

avec le journal Le Monde. Celui qui a accepté notre invitation a réussi un exploit, celui d'unir en quelques jours une gauche divisée depuis de nombreuses années. Un exploit bâti sur, certes, un échec à la présidentielle, le troisième de suite pour notre invité, mais sur un score solide, frôlant les 22% au premier tour, sur la certitude aussi que le camp du président de la République est fragile et surtout peut-être sur l'effondrement historique du Parti Socialiste qui fait aujourd'hui le pari risqué de s'unir pour survivre, de se ranger derrière notre invité qu'il a tant combattu depuis une quinzaine d'années. Cartel des gauches, Front populaire, programme commun ou gauche plurielle, comment cette nouvelle union populaire, écologique et sociale s'inscrit-elle dans cette longue et mouvementée histoire de l'union des gauches? La NUP est-elle autre chose qu'un accord de dupes? Peut-elle survivre aux critiques et aux dissidences qui pointent déjà? Cette nouvelle union populaire, écologique et sociale peut-elle porter notre invité à Matignon? Ces questions et bien d'autres, nous allons les poser à l'homme fort de la gauche française largement réuni, Jean-Luc Mélenchon, et l'invité de Questions Politiques. Questions Politiques. Thomas Negaroff sur France Inter. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne serai pas tout seul pour vous poser toutes les questions aujourd'hui. Jeff Wittenberg de France Télévisions est là. Bonjour Jeff. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Claire Gatinois du Monde, bonjour Claire. Et salut Karine Bécard de la rédaction de France Inter. Salut tout le monde. Le salut traditionnel. Jean-Luc Mélenchon, hier vous étiez à Aubervilliers pour le lancement de la campagne de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qu'on va appeler NUP sur ce plateau. Quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron était à l'Élysée. Ou l'Union populaire. Ou l'Union, elle est pas nouvelle. Ou la nouvelle Union populaire. La nouvelle, si vous voulez. Il y a plusieurs manières de le faire. Non, parce que je crains que les gens soient un peu perturbés par c'est vrai. NUP. Alors, on peut se demander ce que c'est. Mais oui, vous avez raison. C'est son nom. Alors, ça s'appelle Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Moi, je reconnais qu'hier, j'ai un peu eu la tentation du raccourci. Mais il n'y a pas malice de ma part, c'est que c'est long. Quoi. Mais vous avez dit on s'est habitué à l'AREM, pourquoi on ne s'habituerait pas à NUP? On s'habitue à tout, il faut bien dire. Moi. Ça fait quelques années, effectivement, qu'on s'est habitué à vous. Quelques heures plus tôt, donc hier, Emmanuel Macron, le président de la République, était à l'Élysée pour l'investiture de son second mandat et sera demain à Strasbourg pour prononcer un discours sur l'Europe. Marine Le Pen était ce matin sur un marché d'Hénin-Beaumont. On a un peu le sentiment que la présidentielle a été rapidement enjambée et qu'on poursuit en fait finalement la campagne présidentielle. Je vois vous sourire. Est-ce que pour vous c'est un peu votre succès ça, d'avoir imposé l'idée qu'il y avait désormais trois tours à la présidentielle? Bien, c'est nouveau, j'en conviens. Mais il fallait analyser correctement ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle avec la formation de ces trois blocs, ces trois ensembles à la fin du premier tour, et surtout se rendre toujours partir de l'histoire profonde de la France pour comprendre. Deux élections de suite où on élit un président de la République qui, certes, est arrivé en tête des votes au premier tour, mais qui, au deuxième tour, opère un rassemblement qui n'a pas de consistance politique. C'est-à-dire qu'on vote par défaut contre. On a voté deux fois de suite contre l'extrême droite. On le sait, l'élection de M. Macron doit davantage à ceux qui ont voté pour lui pour empêcher Mme Le Pen qu'à ceux qui, stricto sensu, se sont dit « Eh bien, réglons le problème, c'est lui qui a raison ». Il faut qu'une élection purge les contradictions d'une société, qu'on en sorte avec l'impression que l'affaire est tranchée. Voilà deux fois de suite que nous sortons avec l'impression que l'affaire n'est pas tranchée. Si bien que j'ai eu le pressentiment que le deuxième tour étant une formalité, et peut-être pour le faciliter, je vous demande d'y réfléchir un instant, il fallait que la masse immense qui s'est rassemblée autour de nous puisse enjamber cette élection, y participer au deuxième tour correctement, sans avoir l'impression d'une reddition, et passe tout de suite à la bataille suivante, parce que dans la tête des Français, j'avais observé que les gens n'étaient pas ce qu'on appelle nous résignés. Si bien que oui, en effet, c'est un troisième tour pour fixer le mandat. Ce président n'a pas de mandat politique, donc c'est le troisième tour, l'élection. Il n'a pas de mandat, mais il avait un programme qui, a priori, devrait s'appliquer si la majorité est celle qui est conforme à ses couleurs. Alors, on n'a pas trop entendu parler de son programme, mais vous avez raison de dire qu'il avait un programme. Mais comme je viens de l'expliquer, j'ai pas le sentiment qu'au deuxième tour, les gens aient dit, bon, une chose dans l'autre, faisons comme ça, parce que c'est sans doute lui qui a le plus raison. Une majorité de Français disant ça. Non, au deuxième tour, les gens ont dit, nous ne voulons pas de l'extrême droite. Enfin, j'en connais, moi, des centaines, quand même 40% des électeurs de l'Union de notre Union populaire, l'ancienne Union populaire, ont voté pour M. Macron au deuxième tour. Je vous garantis que c'est pas pour son programme qu'ils ont voté. Vous donnez le sentiment de remettre en question la légitimité finalement de l'élection d'Emmanuel Macron avec cette histoire du vote par défaut. Mais est-ce que vous-même, au premier tour, vous n'avez pas bénéficié d'une certaine façon d'un vote par défaut puisque vous avez bénéficié de ce qu'on appelle le vote utile avec ce sentiment qu'une partie de la gauche a voté pour vous pour faire barrage aussi à l'extrême droite et espérer vous voir au second tour face à Emmanuel Macron? Alors, deux aspects dans votre question. Le premier, non, je ne remets pas en cause sa légitimité, autant que, comme ça a été dit à plusieurs reprises, qu'on l'entende fermement, ma négation. Nous sommes une démocratie. Vous dites quand même qu'il est président sans mandat. Le plus mal élu. J'ai dit, c'est le plus mal élu, il n'a pas de mandat. Là, je parle de politique. Mais attendez, non, nous devons être très sérieux pour les gens qui nous écoutent. Mm-hmm. D'accord ? Nous sommes une démocratie. Dans une démocratie, il y a une constitution. Je combats la constitution. Mais aussi longtemps que c'est celle-là, c'est sa règle qui s'applique. Sinon, on fait autre chose. Hein. Mais moi, je ne suis pas partisan d'organiser une insurrection politique dans ce pays. Il y aura sans doute une insurrection sociale, c'est bien possible, etc. Mais il y a un cadre qui nous est donné. Le président a été élu. Bien. Mais la Constitution, qui a été faite en 1958, elle était, comment dire, mi-chef mi-chou sur plein de sujets. Le général se sentait assez fort pour donner toutes sortes de pouvoirs au Premier ministre. En vérité, considérable. Et suivant les présidents de la République, il y a eu de cette constitution une interprétation présidentialiste ou primo-ministérielle et parlementaire. Le général pratiquait à fond le présidentialisme et M. Macron, alors encore plus que le général. Voilà, et on a connu des choses intermédiaires. Je rappelle que dans les trois cohabitations, nous avons déjà eu des premiers ministres appliquant une politique qui n'avait rien à voir avec celle du président en place. Lorsque François Mitterrand est président, que M. Balladur ou M. Chirac sont premiers ministres, l'un et l'autre ont fait une politique de droite, et c'est au point que le président lui-même refusait de signer les ordonnances de privatisation. Et la situation inverse s'est produite lorsque Lionel Jospin a appliqué complètement sa politique. 35 heures sans perte de salaire, je vous garantis que c'était pas la position de M. Chirac. Donc c'est à cette situation-là que j'appelle, dans le total respect de la loi. Maintenant, deuxième aspect, les conditions dans lesquelles moi-même j'ai réuni, sur mon nom, parce qu'en vérité c'est plus large que ça, c'est sur un programme que nous avons réuni, 7 700 000 voix. Alors, vous me parlez du vote utile. Je l'admets, il y a eu un vote utile, mais je sais compter. Et quand je vois que dans le dernier mois, je gagne 11 points, j'observe que les autres formations, non, perdent 3 points. Les formations de gauche perdent, les formations de la gauche traditionnelle perdent 3 points, dans le dernier mois, j'en gagne 11. Donc, qu'avons-nous fait ? Je ne dis pas ça pour sous-estimer la valeur du vote utile. Bon, les gens ont voté comme ils le sentaient. Mais l'essentiel, nous l'avons gagné sur les abstentionnistes, sur les gens qui ne venaient pas voter parce qu'ils pensaient que ça servait à rien. Et qui, tout d'un coup, se sont dit, mais ça sert à quelque chose, au moins à nous protéger et à changer notre vie. Et vous verrez que ce sera mon principal point d'appui aux élections législatives. C'est l'enjeu, en tout cas. Parce que les gens ne sont pas en train de choisir la couleur de la cravate de M. Macron ou de je ne sais pas qui et celle de M. Mélenchon, mais de savoir s'ils partent à la retraite à 60 ans ou à 65, c'est-à-dire à 70. Permettez-moi de vous dire que ça va mettre de l'ambiance dans les ménages. De la même manière, ils vont savoir si leur paye va être augmentée ou pas. Alors, vous savez, les élections, au fond, c'est assez simple, hein. Est-ce que vous avez un programme qui tient la mer et qui correspond aux attentes des Français ou pas ? Alors la dernière fois, bah, c'était M. Macron, les gens étaient en pleine ivresse libérale. Eh bien maintenant, c'est plutôt pour moi, je l'espère. Eh bien ça, on va y revenir sur le programme, rassurez-vous, on va y revenir dans le fond. Mais je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Jean-Luc Mélenchon, en novembre 2008, au moment de votre rupture avec c'était le parti. C'était quand, 2008 ? Ça fait combien d'années ? Au moment de 14, votre... 15 ans. Hein, bah, vous 14, allez voir, ça va vous plaire. Non, mais votre... c'est pas bon un piège, c'est pas un piège. Calcul mental. Donc nous allons entendre un extrait de moi, il y a 14 ans. Absolument. Vous devriez en chercher un quand non, j'étais mais c'est marrant parce que quand j'étais vous aimez, enfant de cœur, vous aimez, pas mal. Jean-Luc Mélenchon, vous aimez tellement la conflictualité que vous êtes persuadé que c'est une peau de banane. Bah écoutez, ça va vous faire plaisir. Non, mais pourquoi nous sommes tous des socialistes, nous sommes tous des communistes, nous sommes tous des écologistes, des trotskistes et même des libertaires à notre manière. Nous sommes tous là. Nous sommes des républicains avec passion. Alors, tiens. Ah ben oui, vous avez raison. Je m'attendais à une cruauté. Est-ce que c'est pas le cas? Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut pas s'attendre toujours au pire. C'est mon état de grâce qui a commencé. Parfois, le pire n'advient pas. Ouais. Est-ce que pour vous, la NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, c'est le résultat de près de 15 ans, parce que ça fait 14 ans cette image, d'efforts de votre part? Bon, la modestie commanderait que je dise que non, que je ne suis pas présent. Mais la cette sincérité. Mais disons que j'y ai eu une participation et ce que vous venez d'entendre correspond à ce que je croyais nécessaire à l'époque et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la vieille gauche traditionnelle à laquelle j'ai appartenu pendant trois décennies avait une mutation à faire. D'abord, l'absurdité de la séparation entre communistes et socialistes n'a plus de sens après la chute du mur. Enfin, tout ça, ce sont des survivances. Et puis, il fallait faire le grand saut dans la grande question de notre époque, la crise fondamentale de la civilisation humaine, c'est son rapport à la nature qui bientôt pourrait être détruite. Donc, à l'époque, je plaidais ça, et puis je plaidais aussi pour plus. Personnellement, j'ai toujours été, ça ne se voit pas, mais influencé par les libertaires, dont le tour d'esprit insolent et l'esprit insoumis m'anime. Donc je voulais formuler quelque chose dans mon rôle, hein, pas philosophiquement, j'ai aussi des idées sur le sujet, mais programmatiquement quelque chose qui puisse rassembler tout ça. Oui, précisément. Je me reconnais bien dans ça. Sur le fond, à chaque fois que la gauche unie a gagné les élections, c'était en se rangeant derrière un leader qui venait plutôt, vous me l'accorderez, de la gauche modérée, le socialisme modéré, que ce soit Léon Blum, François Mitterrand, Lionel Jospin. Pourquoi cette fois-ci ce serait derrière vous, qui êtes plutôt plus à gauche que ces personnalités, et avec des personnalités qui viendraient plus du centre? Et je voudrais juste ajouter d'ailleurs qu'hier, vous avez cité les insoumis, les communistes, les socialistes, les verts, mais aussi, je vous cite, hein, c'était dans votre discours, des trotskistes, des anarchistes. Est-ce que ces courants-là auront aussi une place dans votre futur gouvernement? Mais, il y a deux questions. Je crois qu'ils n'en veulent pas. Alors donc, mais vous les avez cités en tout cas. Hein. Mais je pense que c'est pas parce qu'ils n'en veulent pas qu'il faut les mépriser, ou ne pas tenir compte de ce qu'ils ont apporté à l'histoire de France et à l'histoire même de la gauche. Que voulez-vous, Louise Michel, ça appartient maintenant à tout le monde, hein, et il faut bien s'en inspirer. Alors ça, c'est une chose. Après, vous dites, derrière en qui on se rend? Je trouve que votre question touche au cœur d'un débat qui a lieu en ce moment dans toute la gauche mondiale. Hein. Est-ce qu'on continue à la papa comme avant? On en choisit un modéré qui n'a l'air de rien et qui ne fait peur à personne. Et puis on se met derrière et puis voilà. Alors ça donne des résultats. Ça donne Monsieur Fernandez, président de l'Argentine. Et puis ça donne d'autres personnages, je ne vais pas me fâcher avec tout le monde en un seul coup, qui sont en effet des modérés, qui n'arrangent rien. Parce que pour finir, une fois qu'ils arrivent, ils s'effrayent de leur ombre et ils passent leur temps à composer et à céder sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le rapport nouveau qu'il faut avoir à la nature. Parce que c'est ça qui commande la radicalité. Et c'est cette radicalité-là qui commande l'anticapitalisme. Donc, ce que nous avons connu dans le passé, c'était un compromis idéologique. Il y avait d'un côté des gens qui pensaient que la société serait mieux si on partageait davantage. Bon, c'était un point de vue. Et d'autres disaient, ah ben pas du tout, la société ira mieux si on récompense mieux ceux qui font blabla, le risque, l'effort et tout ça. Bon, c'était un débat idéologique. Donc à la fin, on trouvait un personnage qui arrive à concilier tout le monde. Là, c'est pas le sujet. Nous entrons dans une période de sécheresse. La seule question qui se pose, c'est où on va trouver de l'eau et comment on fait. Et si pour trouver de l'eau et la protéger, on est obligé ici de réquisitionner, là-bas de confisquer, là de dire à monsieur, écoutez, vous changez complètement votre mode de production, on le fera sans tenir compte, on ne tiendra compte que d'une chose, l'intérêt général humain et pas l'intérêt particulier qui ça conduit à dire... Ça dépasse la gauche et la droite, ça, monsieur Mélenchon, ça dépasse la gauche et la droite, le risque de survie par rapport à la sécheresse. Mais c'est bien ce que je pense, et c'est bien ce que je vais essayer de faire. Mais ce que vous dites, en fait, c'est la radicalité là, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on en a besoin. Et en même temps, très régulièrement, vous faites référence à Mitterrand. Vous avez d'ailleurs des accents mitterrandiens. On a le sentiment que quand on demande la radicalité, mais qu'en même temps on s'affiche mitterrandien, c'est très paradoxal. Oui ou non? Vous êtes quoi exactement? Vous aimez bien Jospin aussi, vous saluez souvent son bilan. Chacun de ces hommes a fait, dans les conditions qui étaient les siennes, le maximum de ce qu'il pouvait faire. Mais ils apparaissaient pas radicales. Moi, je dis les choses comme elles sont. Je sais que j'ai plein d'amis qui ne supportent pas que je me réfère à François Mitterrand, et je leur dis assez régulièrement, bah, allez juste lire le programme commun pour avoir une idée de ce qu'on a fait à l'époque. Appliqué. Le programme commun. C'était une rupture avec le capitalisme. Le programme commun a été appliqué à 95%. Il faut pas tourner autour de la difficulté. On l'a appliqué à 95% et ça a donné rien de ce qu'on attendait. Donc la question qui était posée, c'était alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui tourne pas rond là-dedans? Bon, c'est un autre débat, mais à l'époque, personne n'avait d'idée. Et j'attends de voir des visus, les gros malins qui peuvent nous dire comment on aurait dû faire. En tout cas, le président a fait ce qu'il a pu. Nous, à l'époque, le programme commun a nationalisé le tiers de l'industrie française, la quasi-totalité des banques, hein. Je vous propose pas ça. Alors, commencez par vous calmer, parce que on je pas dis énervé. Ça à ceux qui s'enrageraient. Oui. Non, mais j'ai entendu des mots très durs, je sais pas pourquoi, quand on me combat, on ajoute au désaccord politique une dose de haine personnelle. J'ai vu M. Valls, il me déteste, cet homme. Enfin, bah, vous le détestez aussi, non? Donc, monsieur, moi, je m'en fous de lui, en fait. Il m'empêche pas de dormir. Je suis assez philosophe pour savoir que la haine, c'est juste le pied de l'ennemi dans votre tête. Donc, vous avez quand même dit que François Hollande était un has-been, ce qui n'est pas très sympathique. Mais ça, c'est pas de la haine, c'est un conséquent. Il a dit aussi quelques... Oh, écoutez, franchement... Alors, je termine quand même sur ce que vous m'avez dit à l'instant. Alors, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Là, je ne ferai pas ce que je peux. Je ferai ce qu'on doit. C'est comme ça. On va reparler dans un instant du nucléaire. Moi, ça m'intéresse beaucoup, le débat sur le... Il y a plein de choses. Je sais seulement une chose. S'il fait plus chaud, il y aura moins d'eau. Dans le Rhône, 40%. Il y a 4 centrales nucléaires sur la rive qui se refroidissent avec l'eau du fleuve. Quand l'eau est trop chaude, on ne peut pas refroidir, donc on arrête tout. Il y a des aspects comme ça qui sont d'intérêt général. Comprenez qu'on se met en danger si on continue. Et je vais vous prendre toute la liste comme ça. Si vous continuez à envoyer les gens au boulot jusqu'à point d'âge, vous aurez plus de malades, vous aurez plus de chômeurs. Donc ceux qui croient qu'ils font des économies sont juste en train de se ruiner. Et je peux prendre comme ça, sujet après sujet, chacune des choses que je dis. Si vous ne payez pas mieux les gens, ils pourront pas aller acheter du bio. Et s'ils peuvent pas acheter du bio, pourquoi voulez-vous que des paysans fassent du bio et s'usent la vie à aller le faire? Et ainsi de suite. C'est la démonstration que sans cesse j'essaierai de faire aux Français. C'est notre intérêt à tous. Alors, que programme... vous soyez, pardon, je termine sur une chose, de droite ou de gauche, vos gosses, au moment où il s'agit de devenir grands-parents, eh ben vous voyez tous qu'il y a un problème, mais vous ne le dites pas. Il y a un problème. Nous avons tous un problème avec la génération. C'est-à-dire que nos jeunes gens ont plus de mal à avoir des enfants que c'était le cas dans les générations précédentes. La fertilité masculine s'est effondrée de plus de 40%. Alors, combien de temps vous allez laisser durer ça en disant, bon, on ne sait pas, on verra bien. C'est comme avec la grippe aviaire, il y a des canards partout qui sont malades, on les tue tous les 3 ou 4 ans parce qu'il y a une épidémie, et on croise tous les doigts pour que le virus passe pas aux êtres humains. C'est intéressant. La politique de la radicalité concrète sur le plan écologique nous conduit à un anticapitalisme raisonné. Et à une forme de brutalité sociale aussi, du coup. Pourquoi ? Bah, si vous imposez, vous nous dites tout à l'heure, j'applique mes actions, quitte à ce que ce soit... brutal finalement, puisque c'est l'intérêt général, je le ferai quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Oui, mais c'est pas brutal quand c'est l'intérêt général. Mais on se souvient de la révolte des Gilets jaunes. Quand on vous impose de force quelque chose dont vous ne voyez même pas la signification. On peut prendre l'exemple de la retraite à 65 ans. Personne n'est capable de démontrer pourquoi il a choisi. On peut prendre aussi l'exemple de la révolte des Gilets jaunes, qui initialement a été déclenchée par la taxe carbone, qui Absolument. Était quand même un objectif écologique. Ben oui, donc, mais... Est-ce que vous n'allez pas être assez rapidement confronté, finalement, à... Oui, bah, c'est les difficultés de la vie. La vie, c'est toujours compliqué, hein, c'est rarement simple. Mais gouverner, prenons c'est l'exemple faire des que vous citez. On a décidé de faire porter sur le dos des plus pauvres le problème du rationnement en essence. C'est injuste. Donc, ils ont raison de se révolter. On commence par prendre les problèmes par l'autre bout. Si on doit demander une contribution financière, on commence par la demander à ceux qui ont le plus, pas à ceux qui ont le moins. Par conséquent, dans cette affaire, et comme dans la suite... Nous veillerons, moi je suis le tenant d'une écologie populaire. Tout ce que je dis ferons en matière d'écologie doit être raisonné en fonction de la réalité sociale et géographique. Par exemple, j'ai dit, on va relocaliser tout ce qu'on peut. Il y a peut-être des produits qu'on ne peut pas relocaliser. Hein. Donc on part du réalisme. Monsieur Mélenchon, tout le temps. Au-delà du programme, moi j'ai une question aussi sur la personne. Mais c'est une question importante qui a été posée, la conciliation entre démocratie les et impératif d'intérêt général, c'est pas une petite question. Les femmes et les hommes qui vont porter le futur programme, si vous gagnez, à la tête de la France, est-ce qu'ils ont suffisamment d'expérience? Vous-même, vous avez été ministre entre 2000 et 2002, toutes les personnalités de la France insoumise, celles qui vous rejoignent au Parti Socialiste, les Verts, personne n'a connu de responsabilité gouvernementale. Est-ce que ce n'est pas tout de même un handicap lorsqu'on voit que les anciens ministres du PS, pour le coup, quittent le navire. Comment vous prenez ça? Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est un atout? C'est pas eux qui vont me manquer le plus. Mais dites-nous juste si le manque d'expérience à la tête de l'État n'est pas un frein. Souvent, mais enfin, c'est le propre de la démocratie. Normalement, dans la démocratie, tout le monde doit pouvoir accéder, et puis on apprend. Regardez notre groupe parlementaire au début, il y avait que moi qui était un ancien parlementaire là-dedans. Tout le monde a appris, et très vite. Donc on a déjà un socle solide de gens qui ont une grande expérience. Parce que 5 ans, j'aime mieux vous dire que ça décoiffe. Quand vous êtes que 17 en face de plus de 300... Mais 17 personnes, ça suffit pas pour gouverner un pays. Ben c'est déjà un bon début, parce que moi, on connaît tous les dossiers. On connaît les contenus. On est capable de gérer les finances publiques. Bon, ça compte. On connaît les dossiers parce que figurez-vous qu'on s'est pas tourné les pouces seulement dans l'Assemblée. Quand je prends un personnage comme Mathilde Panot, elle a couru tout le pays, une première fois pour faire un référendum sur le nucléaire, une deuxième fois à propos de l'eau. Donc, je prends son exemple à elle, mais je pourrais en prendre d'autres. Au début, mais là, vous ne parlez que des insoumis. La réconciliation que vous avez opérée, elle est sincère ou pas? Et est-ce qu'elle va durer? Ben moi, j'espère qu'elle soit sincère. Je vois pas très bien quel est l'avantage à mentir. Et puis, deuxièmement, moi, j'espère qu'elle dure, que les gens prennent goût à être ensemble. Parce que, au loin, hein, l'objectif, c'est quand même peut-être d'avoir une grande formation politique confédérale. Parce que on n'enlèvera pas du paysage des forces qui ont une longue histoire et qui la prolongent à travers des pratiques, des cultures, des chants, des manières d'être. Donc je ne pense pas qu'il est raisonnable de vouloir effacer. Mais cependant, fédérer et confédérer, oui, bien sûr. Et on a besoin d'être tout le temps sous l'œil du voisin. Parce que ça veut dire qu'il vous oblige à être bon. Parce que si un jour vous n'êtes pas bon, il prend votre place. Donc, ou prend votre place, ou il... Bon, voilà. Donc, moi, je crois que cette émulation, c'est pourquoi hier j'ai parlé, pas de compétition, mais d'émulation. Émulation, c'est qui fait le mieux. Et alors, on se dit, un tel. Regardez, dans les 17, je parle des miens, parce que c'est ceux que je connais. Les gens ont leur petit chouchou, leur favori, préfèrent celle-ci à celui-là. Je trouve ça très bien. C'est le résultat de l'émulation. Mes camarades ont été assez intelligents pour pas s'entre-dévorer. Oui. À la première question de Thomas Znegarov, vous parlez de confédération à gauche. Donc, c'est pas un cartel des gauches, c'est pas la gauche plurielle. Ah ben non, c'est pas pareil. C'est clair qu'on va pas vivre dans un rétroviseur. Chaque période a eu sa formule politique. Ça ressemble quand même à la gauche plurielle. On va pas dire le contraire. Pour l'instant, c'est des partis de gauche qui se sont unis, de la gauche traditionnelle, avec les insoumis qui sont les derniers arrivés dans ce paysage. Bon, c'est comme ça que ça se présente. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est pas juste l'addition de nos forces. Alors, c'est un accord électoral, j'en conviens. Si on veut un gouvernement, il faut bien commencer par un accord électoral. Mais comme il s'appuie sur un programme partagé, c'est déjà un peu plus. Donc nous aurons deux institutions qui changent beaucoup de choses, un intergroupe, chacun aura son groupe, j'y tiens. Chacun aura son groupe, un intergroupe, et nous aurons un parlement commun, à nous, politique. Nous allons faire un parlement de campagne, et ensuite, si nous continuons ensemble dans le gouvernement, il y aura un parlement politique distinct de celui de l'Assemblée nationale, intégrant des personnalités associatives, syndicales et autres. Donc vous voyez, c'est une autre formule. Mais je demande qu'on m'entende, juste sur un point. Comprenez bien, nous sommes au pied du mur, tous autant que nous sommes. Nous sommes au pied du mur de la catastrophe écologique qui s'avance devant nous et de la catastrophe sociale. Un pays comme la France ne peut pas être fracturé socialement, comme il l'est même davantage, sans que ce soit un grand risque de cohésion. Et nous le voyons bien à travers l'obstination de l'extrême droite à montrer du doigt des boucs émissaires dans telle ou telle religion ou telle communauté. Donc, c'est ça qu'il va falloir dépasser. Il n'y a pas que des gens de gauche qui vont être d'accord avec ça. En ce moment, il y a des gens qui m'écoutent, qui se disent, ils sont pas de mon bord. Ils se disent, bon, d'accord, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Et je trouve le moment qu'ils viennent me voir et qu'ils m'expliquent que si, pour régler le problème de l'eau, il n'y a que le marché. Trouvez-moi pour me l'amener. Eh ben, vous verrez bien qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc, il y a bien des décisions d'intérêt général. Mais enfin, dans ce pays, autrefois, on a eu une droite gaulliste qui avait l'État, qui croyait au plan. C'est même eux qui ont installé ça. Alors, où ils sont passés, ceux-là? Ils sont tous devenus libéraux. À la campagne présidentielle, c'est l'impression qu'on a eue. Que c'était tous des libéraux. Eh bien, tant pis. La case libre, c'est moi qui l'occupe. Thank you. Question politique. Thomas Negaroff. Alors, cette case libre, Jean-Luc Mélenchon aimerait bien, de l'État, bien sûr, aimerait bien l'occuper, mais comment l'occuper, cette case libre? On va parler un peu aussi, enfin, on va continuer à parler du fond. J'ai le sentiment, à vous écouter, que Jean-Luc Mélenchon serait un Premier ministre essentiellement écologique ou écologiste. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous avez considéré que désormais c'était le principal enjeu et que tout devait concourir à cette dimension-là, quitte à mettre de côté, par exemple, des valeurs fondamentales pour vous par le passé qui étaient celles de l'égalité, par exemple, entre les êtres humains? Ah ben non, moi je pense que le chemin le plus direct à l'écologie, c'est l'égalité. Si vous voulez, ce que l'écologie politique a réglé, c'est le vieux compte de la dispute depuis la révolution de 89. À l'époque, on nous disait, mais c'est quoi votre histoire égalité? Vous savez bien que ça n'existe pas dans la nature. Il y a des hommes et des femmes, des grands, des gros, des petits. Donc vous ne pourrez faire de régime politique que violent parce que vous allez contre la nature. Eh ben non. L'ordre naturel nous enseigne que nous sommes fondamentalement semblables. Et si nous sommes semblables, nous sommes égaux en droit pour accéder à nos besoins. Quels besoins? Faire des familles, éduquer nos gosses, être soigné quand on est malade, etc., etc. Par conséquent, l'égalité, c'est mon moteur. L'équilibre et l'harmonie avec la nature, c'est l'horizon. Voilà. Alors, je chemine, monter sur l'un pour aller vers l'autre. Mais posons des questions très concrètes. Vous voulez sortir des centrales nucléaires, vous voulez les stopper d'ici à 2045, si je ne me trompe pas? C'est le scénario qui avait l'air d'être le mieux chiffré, mais si on peut faire plus vite, moi je ne suis pas contre. Alors simplement, comment ça marche après? Parce que quelle énergie intermittente, propre, vous mettez en place pour avoir le stock d'énergie nécessaire pour pouvoir faire vivre 70 millions de Français? Eh bien, déjà, commençons par dire ça. C'est que vous venez de le souligner, il ne peut pas être question d'appuyer sur un bouton et couper la lumière. Ça ne fera rien avancer. Donc, il faut arriver à monter en puissance avec les énergies alternatives, vite et fort, pour remplacer les autres. C'est-à-dire d'abord les énergies carbonées, s'il vous plaît, parce que c'est quand même les premières qui nous posent problème. Et puis ensuite, le nucléaire. Le nucléaire, il a pris la place qu'il a pris dans mon discours à cause du danger que je sens. Et que je connais mon pauvre pays. Et je sais que un seul Fukushima, et on est très, très, très, très mal. Compte tenu de notre géographie et de la manière dont le pays est fait. Donc je suis inquiet, voilà. Et donc je veux régler le problème, parce que je ne crois pas aux arguments qui me sont opposés. Alors comment va-t-on faire? Il y a, il n'y a plus besoin d'être un aigle pour le savoir, il y a toutes sortes d'énergies alternatives qui sont disponibles, il faut toutes les utiliser, en même temps, il faut avancer sur tous les fronts en même temps. Je veux dire, chaque fois qu'on peut prendre l'eau chaude qui est dans la terre pour le mettre pour le chauffage collectif, il faut le faire. Chaque fois qu'on a quelque chose qui bouge tout seul, il faut l'utiliser. Monsieur Mélenchon. Et notamment, je pense aux énergies de la mer, alors, parce que c'est là qu'on a 60 fois le besoin d'énergie sur terre. Précisément, vous avez affirmé lorsque... C'est Emmanuel Macron, pardon, avec ses éoliennes en mer. Pardon ? C'est aussi le programme d'Emmanuel Macron, avec son projet d'implanter un immense parc d'éoliennes en mer. Oui, bah, très bien. Mais vous avez affirmé que... Ça veut dire qu'il n'aura pas trop de mal à être d'accord avec moi. 45 éoliennes en mer à elles seules pourraient remplacer un réacteur. Mais ce seraient des éoliennes qui feraient 250 mètres de diamètre, pour qu'on soit bien clair. Comment... 240, soyons précis. Vous l'avez vu sous forme de maquette. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut dire sérieusement aujourd'hui qu'à terme, ces industries qui ne sont qu'à l'état de maquette, vous l'avez vous-même constaté, remplaceront l'énergie nucléaire ? Est-ce qu'il n'y a pas une part, non pas d'irresponsabilité, mais de pari sur l'avenir pour penser que c'est sans... Et j'ajoute que l'énergie éolienne, elle est aussi controversée. Qu'est-ce que vous faites de tous ceux qui ne veulent pas d'éoliennes dans leur paysage, par exemple ? Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Commençons par dire qu'ils n'ont pas que tort. Ceux qui trouvent que massacrer un paysage, c'est grave. Parce que la beauté, c'est quand même une des rares choses qui sont gratuites et c'est pour tout le monde. Et la beauté de notre environnement nous traverse et nous change, comme toute forme de beauté. Alors donc, ils n'ont pas que tort. Mais moi, mon projet, pour l'essentiel, c'est pas d'aller coller des éoliennes partout sur Terre. C'est d'aller les mettre en mer et de les mettre à 20 km à peu près du rivage. Mais il faut le faire avec sérieux. C'est-à-dire qu'on s'amène pas avec un projet et on dit, tiens, on va le mettre là. Ben là, on peut pas... C'est la ville de Monsieur Machin, il n'est pas d'accord, et c'est très important pour avoir son vote pour le projet de loi de finances rectificative. Donc, allez hop, je te déplace le parc un peu plus loin. Je ne veux nommer personne, mais tout le monde finira par savoir de quoi je parle. Oui. Un peu plus loin, on le fout en plein milieu d'un endroit où les poissons se reproduisent. Alors, étonnez-vous que les pêcheurs soient pas d'accord. Il faut apprendre, maintenant, à combiner les conflits d'usage, à les résoudre. Vous prenez la baie de Saint-Brieuc, et ce qui s'est passé en face à Saint-Nazaire, vous avez la démonstration de deux manières de faire. Dans l'une, brutalement, on a décidé quelque chose contre tout le monde. Et dans l'autre, les types d'EDF, les ingénieurs, etc., ont discuté avec tout le monde. À la fin, on a installé non pas une maquette, comme vous dites, c'est juste quand même une éolienne flottante avec des pales de 40 mètres. Alors bon, ça va, là, comme maquette, mais enfin, on sait faire. Vous avez parlé, c'est 240. On mettra, parce que c'est des pales de 120 mètres, donc ça fait 240 de circonférence. Ben oui, ben il faudra les mettre. Vous avez une autre idée. Alors s'il y en a une autre, les machines houlométriques, c'est la houle. Bon, on sait aussi faire ces machines. On va essayer de toutes les manières possibles. Ce que je veux créer, c'est un état d'esprit. Il faut vous dépêcher. Donc j'ai été le dire à l'école d'ingénieurs. Je leur ai dit, jeunes gens, vous n'allez pas traîner ici, apprenez vite et bien, parce que il me faut les machines. Si c'était la guerre, pardon, je prends une mauvaise comparaison, j'aime pas le truc trop... Mais quand même, on s'est bien débrouillé pour trouver, en plein combat, 10 solutions à tous les sujets. C'est alors, intéressant, monsieur, pardon. Monsieur, je termine. Oui, c'est un pari, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon... Faire un pari sur l'intelligence humaine, c'est pas trop dur. Hein. C'est intéressant d'entendre un Jean-Luc Mélenchon qui pense que la solution au dérèglement climatique, elle est dans le progrès technologique, parce qu'il y a beaucoup de gens chez vous qui considèrent qu'elle est dans la sobriété, dans la décroissance. Mais ils n'ont pas tort, écoutez. Ah, tout le monde a raison. Non, mais je vous ai expliqué aujourd'hui, pourquoi. Tout le monde a raison. Non, mais il y a des... Parce que les caricatures ne nous aident pas à penser. Allez-y. Là, moi, je suis au pied du mur, d'accord ? Si ça se trouve, je vais devoir m'occuper de gouverner ce pays. Donc, une fois que vous êtes au pied du mur, et je l'étais déjà, je me sentais auparavant, on essaye de réfléchir à comment on formule les problèmes. Tout le monde a raison en même temps. Ceux qui vous disent la sobriété, ils vous disent que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Bon, ben très bien, ils ont raison. Donc il va falloir faire de la sobriété énergétique, beaucoup de sobriété énergétique. Il faut finir de l'idée, avec l'idée qu'on se sert, et puis la nature pourvoira au reste. Non, ils ont raison. Éclairer les nuits avec des messages publicitaires, ça ne sert à rien, etc., etc. Quand on va parler de l'eau à un moment ou à un autre, on va parler du mésusage et du gaspillage. Mais excuse, la réserve numéro un actuelle, elle est là-dedans pour nous, les Français. Donc, alors, quand même, je réponds à votre question. Moi, je crois au progrès technique et scientifique. J'ai des copains qui n'ont. Ils disent, en soi, c'est dangereux. Bon, c'est pas eux qui dirigent chez moi. Alors, mais c'est comme ça. Mais parce que je ne veux pas dévaloriser leur point de vue. Bien sûr. Ne me risquerai pas devant vous à dire, non, ils ont tort. J'ai des discussions passionnantes avec certains de mes co-députés, sur Prométhée, Épiméthée et le reste, d'ailleurs. Est-ce que Prométhée a fait une bonne chose en amenant le feu? Eh ben, ma réponse est oui. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il y a eu le feu, les êtres humains ont pu devenir les êtres conscients qu'ils sont. Alors Allez. Certains pensent que c'est une catastrophe. Alors, on n'en parle plus. Les misanthropes s'en vont. Il y a trop de sujets importants pour reparler de Prométhée. On relira Jacques Ellul. Peut-être que je suis sûr que vous l'avez beaucoup lu. Mais oui, en attendant, oui, on va écouter. Non, mais Ellul, il n'y a pas que du bon dedans. Attention. Il y a des choses intéressantes. Ah, j'aurais pas dû appuyer sur ça. Mais Beauvais et d'autres sont des disciples d'Ellul. Je ne peux pas dire que ça leur réussisse. Beauvais, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on écoute. On n'est pas obligé. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui a une question à vous poser sur l'Europe. Bonjour Monsieur Mélenchon, vous proposez désormais la désobéissance européenne. C'est un projet que je crois profondément dangereux et petit bras. Dangereux parce que quand on commence à ne pas respecter certaines règles, jusqu'où va-t-on? Comment garantit-on que les autres ne vont pas faire la même chose et ne pas respecter les règles? Je crois au fond que le projet européen ne s'en remettrait pas et se déliterait mécaniquement. Et puis petit bras parce que quand on aspire à gouverner la France en Europe, on aspire au fond à changer les règles, pas à désobéir aux règles qu'on subit. Alors ma question est simple, quelle transformation positive proposez-vous pour l'Europe, pour la France en Europe, et avec quels alliés? Alors, quelle transformation positive et avec quels alliés? La première des transformations positives, c'est la démocratie. Respecter les peuples. Cesser de se figurer qu'on leur tord les bras sans danger. Qu'ils peuvent voter non et ensuite c'est oui. Que quand ils votent non puis non, on recommence jusqu'à ce qu'ils disent oui. Il y a en Europe une certitude qui s'est répandue, c'est que quoi qu'on fasse, rien ne change. Et c'est au point qu'un président de la Commission a même pu dire « il n'y a pas de démocratie en dehors des traités ». Autrement dit, l'histoire est terminée, nous appliquons les traités et tout le reste est un vain bavardage. Non, l'histoire continue. Alors, je commence par dire que si M. Beaune veut à tout prix appliquer les traités européens, il lui faut proposer pour le prochain budget de revenir à 3% de déficit, ce qu'il ne fait pas. Par conséquent, la France désobéit déjà. Mais elle désobéit honteusement et en rasant les murs. Non seulement il y a eu des dérogations, mais en plus l'Europe a changé. Voilà. Ces règles, elles sont en train d'évoluer. Il y a eu le plan de relance européen. Excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte que les choses se passaient aussi bien que vous le dites. Vous n'avez pas le sentiment que l'Europe a énormément évolué depuis la crise des dettes souveraines? Et toujours dans le même sens. Et que toujours dans le même sens. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit de l'Europe. Elles ont changé de l'intérieur. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas changé votre point de vue sur l'Europe, compte tenu justement de ces évolutions de l'intérieur même de l'Union européenne? Non, je pense que l'Union européenne s'est construite sur un process de constitutionnalisation de règles économiques. Ceci n'existait qu'en URSS et en Iran, jusque-là. Maintenant, il y a un troisième ensemble, c'est l'Europe, avec des règles qui disent le libre-échange est obligatoire à l'intérieur des frontières, donc ça rend impossible les cantines bio, ça rend impossible la relocalisation de l'agriculture, et avec l'extérieur. Et par conséquent, à l'extérieur, nous imposons qu'eux aussi abaissent leurs droits de douane, et donc nous ruinons tous les pays du continent africain. Permettez-moi de vous dire que cette règle absurde du libre-échange est la première règle qui s'oppose à l'application de notre programme. Je viens de citer les cantines bio pour que tout le monde comprenne. Le libre-échange, c'est quand même la règle fondatrice de cette Europe. Donc il n'y a plus d'Europe si on enlève cette règle-là. Non, attendez, il n'y a pas d'Europe en dehors du libre-échange. La libre circulation des personnes et des marchandises, des marchandises, des valeurs fondamentales. Les personnes, c'est pas fameux, mais les marchandises. Attendez. La règle du libre-échange doit aussi rencontrer, comme toutes les règles, des limites. Moi, je vous en cite une. Demain, nous devons changer les règles de l'Europe, de l'Union européenne, je ne vous propose pas d'en sortir dans la mandature qui arrive, parce qu'en plus de la guerre en Ukraine, de la menace de ce gouvernement poutinien qui menace les gens maintenant de guerre nucléaire, on va rajouter le chaos. Non, je ne le ferai pas. Je veux qu'on m'entende bien, je ne le ferai pas. Je le dis librement, comme je l'ai dit dans la campagne présidentielle, mais cela ne s'est pas entendu. On ne le fera pas parce que je pense que nous allons devant de très, très grandes difficultés mondiales. Vous savez comme moi que les banques centrales sont en train de resserrer leur taux d'intérêt, et par conséquent, nous allons nous taper une récession en plus du reste. Pour lutter contre l'inflation. Et en France, nous y sommes déjà. Par conséquent, c'est pas moi qui vais ajouter du bazar. Alors comment je fais pour pas ajouter du bazar tout en tenant mon programme? Eh ben, je désobéis aux règles européennes. Alors, M. Beaune a l'air de dire « chacun fait l'Europe à la carte ». Bon, voilà, commençons par dire à M. Beaune, qui le sait, qui est un homme intelligent et en général respectueux de ses interlocuteurs. Je l'ai vu à l'Assemblée. Bon, je vais lui dire « cher monsieur, tout le monde désobéit ». les Allemands désobéissent avec des excédents commerciaux qui n'ont pas leur place dans les traités qui ont été signés. Un excédent, ils désobéissent quand ils font des régimes publics de l'eau. Je ne vois pas en quoi un excédent commercial serait contraire au traité. Eh bien, vous n'avez qu'à lire les traités, mon cher, si vous ne voyez l'excédent pas. L'excédent commercial. Oui, les excédents commerciaux, au-delà et durablement, sont interdits. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur le dos des autres. Mais autrefois, c'était comme ça quand on a signé le traité. Depuis, les Allemands, la moitié de leur commerce extérieur, ils le font avec le reste du monde. Alors j'aime mieux vous dire que d'une certaine manière, ils se sont un petit peu décollés de l'Union européenne. Mais je vais vous prendre un exemple plus simple. Quand ils font des régies publiques de l'eau, ils ne respectent pas les règlements des traités. Nous ferons des régies publiques de l'eau partout, nous ne respecterons pas. Donc, je demande qu'on ne transforme pas en débat, absolu, total, tout noir, tout blanc. Non, nous désobéirons à tout ce qui met en cause le vote du peuple français. Si le peuple français vote pour notre programme, l'eau sera un bien commun en France, que ça plaise ou pas au reste de l'Europe. Et j'espère que le reste de l'Europe se dit « Mais ce Mélenchon, finalement, a raison. Nous aussi, nous allons faire la propriété publique, collective de l'eau. » Pas publique, parce que je ne veux pas croire qu'il y aura un monopole d'État. Il vaut mieux que ce soit local. L'accord que vous avez signé, notamment avec le Parti Socialiste, joue sur les mots, puisque vous, vous dites et vous redites plusieurs fois ce matin qu'il faut désobéir aux règles européennes, alors que le Parti Socialiste dit qu'il faut déroger de manière transitoire. Ça veut dire... peut-être la même chose. Pourquoi on n'emploie pas les mêmes mots? Est-ce qu'on ne prend pas un peu les électeurs? C'est votre radicalité, pardon, ça. Mais pour des naïfs, puisque, qu'est-ce que vous dites, là? C'est pas gênant de jouer sur les mots? Oui, on déroge ou on désobéit? C'est, vous renvoyez ça au Parti Socialiste? Et de façon transitoire, surtout. De manière transitoire, dit le PS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous aussi, ce sera de manière transitoire? Ça finira par être la règle partout, donc c'est transitoire. Mais pourquoi? Moi, je fais un pari positif. C'est un pari positif ou c'est de la pensée magique? Vous faites comme vous voulez. Un pari sur le futur que vous voulez transformer de fond en comble, on peut dire que c'est de la magie. Mais on peut aussi dire que depuis que l'humanité est humanité, elle le fait. Tout le temps, continuellement, par la technique et par la politique. Il n'y avait pas d'Union européenne, il y en a une. Et ainsi de suite. Donc, mais je viens quand même, je ne veux pas biaiser avec ce que vous soulevez. Il est clair que nous devions régler, en quelques jours, ce qui a pris des mois aux autres gouvernements dans le pays, dans l'Europe. Hein. J'insiste sur le caractère exceptionnel. Pardon, je fuis pas votre question, hein. Mais il a fallu régler en 13 jours ce qu'a pris 6 mois en Allemagne, ce qu'a pris 1 an et demi en Belgique. Il fallait faire en 12 jours ce qui n'a, écoutez-moi bien, jamais été fait de toute l'histoire politique de France. Il n'y a jamais eu une seule fois un accord général de candidature unique au premier tour, en tout cas dans la gauche. Voilà. Donc c'était exceptionnel. Donc, et on s'était pas parlé depuis 10 ans. Donc on a échangé et on s'est aperçu qu'un certain nombre de caricatures entretenues par les uns et par les autres pour créer des frontières entre nous. On va car pas voyez-vous, refaire tout l'avantage le film, d'une frontière, c'est que ça génère immédiatement une profession, garde-frontière. Donc dans le Parti Socialiste et ailleurs, il y avait des gardes-frontières qui aussi passaient leur temps à continuellement creuser le fossé. Ouais. Et en parlant, les socialistes ont dit, ce qu'on a vu nous, hein, nous ont dit, mais attendez, nous on n'a jamais dit qu'on n'appliquerait pas notre programme. S'il faut l'appliquer, on l'appliquera. On leur a dit donc, vous serez obligés de désobéir. On a sorti les articles des traités. Ils disent, oui. Ils disent transitoire, ils disent ce qu'ils veulent, mais nous sommes d'accord Jean-Luc sur Mélenchon. Le fond. Et puis on peut se dire que ça sera transitoire parce qu'on aura le dernier mot. J'ai deux petites questions sur l'Europe avant de basculer sur une autre partie de l'émission. Oui. L'avant-dernière question, donc la première question que j'ai à vous poser, c'est, vous dites de manière, on désobéira s'il y a des sanctions imposées, parce que c'est le cas dans les traités européens, à la France. Est-ce que la France, dirigée par Jean-Luc Mélenchon, payera 100, 110, 120, 130 millions d'euros de sanctions? Personne ne paye, cher monsieur. Je vais vous en apprendre encore une bien bonne. Il y a, je ne sais pas combien, 2 milliards d'amendes de toutes sortes que personne n'a jamais payées. Car, fort heureusement, l'Union européenne n'en est pas là à vouloir faire la police chez les uns et les autres. Donc, on s'arrange. Eh bien, avec moi, on s'arrangera, mais payer pour quoi faire? Écoutez, déjà, nous donnons 9 milliards de plus que ce qui nous revient. Ça s'appelle la solidarité européenne. Ben, vous avez raison. Mais la solidarité, c'est quand on a les moyens de la solidarité. D'accord? Pas quand on n'en a pas les moyens. Eh bien, moi, j'estime que déjà, 9 milliards, c'est une somme extrêmement importante. La France a plus de moyens que d'autres pays de l'Union européenne. Elle peut voilà, c'est une très bonne idée. Mais dans le moment, c'est nous qui avons moins de moyens. Donc, nous nous aidons nous-mêmes. Et donc, non, mais je réponds à la question sur les amendes. Donc, non seulement, je pense que c'est pas une bonne idée de nous faire payer des amendes, mais ça nécessiterait quand même qu'on rediscute les avantages qu'on a donnés aux uns et aux autres, qui n'ont pas l'air de vous poser problème à vous. Mais moi, ça me pose problème que les Pays-Bas aient eu encore une décote, qui fait que c'est nous, Français, qui payons pour eux dans le budget européen. C'est pas normal. C'est pas normal que les Allemands ne payent pas et que nous payons à leur place. Mmh. Alors, ce sont des choses que nous dirons amicalement. Mais on leur dira, écoutez, là, ça va trop loin, regardez. Nous avons une dette que vous nous reprochez. Nous voudrions la payer avec notre argent. Jean-Luc Mélenchon, avant de passer, enfin, de sortir de tous les aspects programmatiques, il y a quand même un point sur lequel vous n'êtes pas super précis, c'est sur la retraite. Vous dites, dans votre projet, retraite à partir de 60 ans. On part à la retraite à 60 ans. Vous avez précisé ce week-end, sans décote. Donc ça veut dire qu'à 60 ans, on part en retraite à taux plein. Alors, c'est ça ou pas? Attendez. Allons-y. C'est une question très technique, j'espère que vous êtes prêts. On est prêts. On n'a pas tellement de temps, allez-y. Savoir, vous posez on n'a pas 40 annuités pour le faire, d'accord. Allez-y. Alors, 40 annuités, dans n'importe quel système de retraite où vous donnez un total d'annuités, ça veut dire que quand vous ne les avez pas, vous avez une proportion. Absolument. Voilà, ça, ce n'est pas la décote. Non. Ça, c'est ce qui a toujours existé. Et puis, on a inventé... C'est la double peine, la décote. Pour mettre une baïonnette dans le dos des gens, une décote. Alors donc, 60 ans. 40 annuités sans décote. Mais la proportionnalité fonctionnera. D'où question. Que fait-on avec les gens qui, arrivant à la retraite, ayant un peu moins, n'arrivent pas au seuil de pauvreté? Eh bien, je vous informe que cette question est réglée depuis 2003. Mais tous les gouvernements qui se sont succédés ont oublié de mettre en œuvre une règle que je mettrai en œuvre le lendemain de notre élection. C'est-à-dire ? Parce que c'est déjà dans la loi. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de retraite inférieure à 85% du SMIC. C'est voté depuis 2003. Et savez-vous combien ça donne ? 1100 euros par mois. Et c'est justement la somme que tout d'un coup, M. Macron fait mine de découvrir en disant « Voici comment, dans ma grandeur, je vous donne 1100 ». Pas de bol, c'est voté depuis 2003. Lui, il est au pouvoir depuis 7 ans, entre son temps de ministre de M. Hollande et son temps de président de la République. Il aura donc attendu 7 ans de plus pour appliquer la loi. Eh bien, nous l'appliquerons tout de suite. Mais j'ai pas fini, il reste une dernière chose. Je ne veux plus qu'il y ait de retraite à taux plein, je dis bien à taux plein, mais quelqu'un qui soit inférieur au SMIC. Pourquoi le dis-je ? Parce que la retraite est fondée sur des cotisations sociales, c'est-à-dire sur du salaire différé. Vous n'accepteriez pas, n'est-ce pas, qu'il y ait un salaire inférieur au SMIC. Pourquoi accepteriez-vous qu'il y ait une retraite inférieure au SMIC ? Et pendant que j'y suis, j'en profite pour vous dire que, comme 85%, paraît-il, des conventions collectives ont leur minima de salaire en dessous du SMIC aujourd'hui à cause de la dernière augmentation, je vous préviens c'est que si je suis Premier ministre, vous êtes tous reconvoqués pour des conférences salariales qui existent dans la loi, obligatoires annuelles, pour remettre tout ça d'aplomb, plus parler du reste. Donc il y aura en quelque sorte, si les syndicats en acceptent l'idée, une renégociation générale des salaires dans ce pays. Thank you. France Inter. Question politique. Jean-Luc Mélenchon est avec nous. Vous avez dit il y a deux jours sur le plateau de Thomas Soto aux 20h de France 2 que vous ne seriez vraisemblablement pas candidat aux législatives cette année. Est-ce que vous confirmez, est-ce que le vraisemblablement est devenu certainement entre-temps ? Eh bien, le vraisemblable, le reste. La projection sur les années à venir et surtout la nature de la campagne qu'il faut mener en très peu de temps. Vous savez que vous connaissez comme moi et même mieux que moi les règles du CSA parce que c'est votre boulot. De l'ARCOM maintenant. Bon oui oui enfin ça s'appelle comme ça veut ça fait toujours pareil. bon voilà il faut que je sois présent. La probabilité d'avoir une majorité semble s'améliorer pour moi donc je me prépare plutôt à l'idée d'être Premier ministre qu'à l'idée d'être de nouveau député, c'est mon argument. Vous pouvez être Premier ministre sans être député. Alors, vous l'avez vous avez dit. Raison. Moi, je suis absolument pour qu'on se pose les questions basiques. Oui, on peut. D'abord, on n'élit pas le Premier ministre, on élit des députés qui, ensuite, quand il y a une majorité, ont un premier responsable. Dans les accords que nous avons signés, j'ai été désigné comme le candidat au poste de Premier ministre. Comme auparavant, Jospin l'avait été par la gauche plurielle. Ça, c'est premier point. Deuxième point, peut-on être Premier ministre ? Eh ben oui, on peut. 6 sur 24 l'ont été. Le dernier Premier ministre de la 4e République n'était pas député, c'était le général de Gaulle. Et l'actuel Premier ministre, comme ça je fais court, hein, sur les 6 qui ont été... qui n'ont pas été députés, c'est M. Castex qui ne l'a jamais dit. Vous êtes un leader politique, c'est différent. Vous êtes un leader politique, ce qui n'était pas le cas de M. Castex ou de Raymond Barre à l'époque. Ben moi, je suis un leader politique pas un petit peu la donne. Se présente devant vous avec une petite... M. Castex a été désigné, j'ai dit hier, j'espère qu'il ne l'a pas pris mal, hein. Je lui ai dit c'est que pas sympa, hein. Il avait été élu à Prades avec 1800 voix, ça lui donne une légitimité à Prades, mais moi j'estime que 7 700 000 voix à l'élection présidentielle, bon, ça fait pas de moi tout à fait un passant dans la rue. J'ai une certaine légitimité à être devant dans les rangs de l'Union, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Voilà, vous l'avez dit. Si par malheur, selon vous, vous n'étiez pas à Matignon dans un mois et que vous n'étiez pas député, comment est-ce que vous voyez votre place dans cette nouvelle gauche ? Est-ce que c'est justement une place que vous aimeriez avoir un peu au-dessus, même si vous perdez ce micro de la tribune de l'Assemblée nationale ? Mais c'est pas dans mon caractère d'envisager les défaites. Des fois, ils m'ont cuit parce que elle arrive. Mais donc, je n'y ai pas pensé, pour être honnête. Je vois pas ce qui pourrait diminuer l'intérêt de ce que j'ai à dire pour ceux qui m'écoutent. Donc, je ne suis pas dans l'angoisse existentielle. Et puis, vous savez, tout passe, hein, c'est la loi de la vie. Alors, vous êtes plutôt dans l'idée que vous allez réussir à devenir Premier ministre. Oui. Vous allez donc vous retrouver face à un président jupitérien. Comment on résiste à un président jupitérien ? Eh bien, alors, toute la mythologie antique est remplie de résistance à Jupiter. Donc, je ne manquerai pas d'exemple. Alors, et ça commence par Prométhée, justement. Encore. Alors, voilà. Non, je pense, disons les choses comme elles doivent être dites. La politique qui s'appliquera, c'est celle du dernier élu. En l'occurrence, nous. Mais en même temps, la Constitution crée des segments communs. Je pense d'ailleurs que sur le premier point, le président conviendra aussi facilement qu'avant lui, M. Chirac ou M. Mitterrand. Et la Constitution donne des segments communs. Par exemple, il est le chef des armées, mais le Premier ministre aussi, qui conduit et dirige la politique de la nation, a la maîtrise de la politique de défense. Et dans les affaires étrangères, le président de la République négocie et signe les traités, et le Premier ministre en charge de la politique étrangère. Alors, disons les choses sur ce sujet, vite et bien et fort. Nous, nous entendrons, parce que c'est l'intérêt du pays. En matière d'affaires étrangères et en matière de défense, ce sont des cycles longs. Il faudra donc se comprendre et s'entendre. J'ajoute que nous sommes confrontés au plan international et sur le sol du vieux continent à une guerre d'agression déclenchée par le gouvernement de M. Poutine contre l'Ukraine, avec des actes absolument d'une barbarie totale que tout le monde a eu sous les yeux et qui maintenant s'accompagne de menaces nucléaires. C'est-à-dire que aux crimes de guerre qui semblent s'être accumulés s'ajouterait un crime contre l'humanité, le recours à l'arme nucléaire dont nous étions tous décidés qu'on ne l'appliquerait plus jamais. Alors, je vous dis, dans ces domaines, la France parlera d'une voix. Donc vous avez toujours dit qu'il ne fallait pas être co-belligérant. Est-ce que vous êtes en phase avec la politique du président Macron dans ce domaine depuis deux mois que la guerre a commencé ? Est-ce que vous approuvez toutes les initiatives qu'il a prises ? Et si demain, par exemple, l'Europe livre plus d'armes à l'Ukraine, avec l'assentiment du président, est-ce que vous serez derrière le jour où vous serez Premier ministre, si vous Écoutez, je dirai ce que j'ai à dire là où je devrais le dire. Mais c'est important de le savoir aujourd'hui. Il vaut mieux que vous le sachiez d'avance. Donc là, il y a personne ne peut compter en Europe sur la cacophonie des Français à propos d'une guerre. Donc ceux qui se disent « Ah ben peut-être que ça va être la pagaille chez les Français » perdent leur temps. La France agira, décidera, interviendra. Le président Macron a fait ce qu'il croyait nécessaire de faire et je ne vois pas l'intérêt de le commenter maintenant. Bon. Un peu quand même. Bah, attendez, vous, allez voir. Vous prétendez être Premier ministre de cohabitation avant. En disant qu'il n'y aura pas une feuille entre vous deux en politique étrangère. Mais c'est notre intérêt. D'accord, mais est-ce que c'est une réalité? C'est notre intérêt à tous autour de cette table. Nous n'avons pas intérêt à ce que les Français arrivent comme une espèce de horde, se bataillant, s'écrasant les pieds. Tout le monde a fait comme ça dans le passé. Mmh. Et quelle que soit la situation, quand on est devant une crise comme une guerre, on se serre les coudes, non? Quand nous avons un attentat terroriste, on se serre les coudes. Quand il y a une guerre, on se serre les coudes. Il y a des moments dans la vie des nations démocratiques où on se serre les coudes. Donc moi, je ne suis pas favorable à l'escalade. J'ai entendu de nombreuses fois le président Macron dire lui aussi qu'il n'était pas favorable à l'escalade. C'est la raison pour laquelle j'ai été extrêmement réservé chaque fois qu'on me parlait de livraison d'armes. Parce que livrer des armes, c'est finalement se positionner en belligérant. Depuis, les choses ont avancé, vous le savez aussi bien que moi. On envoie là-bas le canon César, qui est le meilleur canon du monde, avec lequel nous avons rasé la moitié de Mossoul la dernière fois. Donc, des armements français s'y trouvent. Vous m'imaginez arrivant en disant « Bon, écoutez, on remballe. Alors on ramène les canons chez nous, c'est fini, vous faites ce que vous voulez, monsieur Poutine, nous n'avons rien à vous dire ». Non, bien sûr que non. Par conséquent, nous trouverons ce qu'il y a lieu de faire en matière de désescalade, parce que j'ai compris que c'était aussi la ligne du président de la République, et notre intérêt commun. Je ne connais pas un parti politique en France qui me dirait « Oui, monsieur Mélenchon, amenez les choses jusqu'à la veille de la guerre nucléaire ». Personne ne me dira ça. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, il va à Kiev rencontrer Zelensky. Il n'y a pas eu beaucoup de Français qui sont rendus là-bas. On verra ce qu'il y a à faire. Mais je n'irai pas, d'une quelconque manière, faire quoi que ce soit qui puisse aggraver la situation. De la même manière, je suis déterminé à ne pas laisser passer l'attitude du gouvernement russe. Et je le dis alors que nous sommes le 8 mai. Le souvenir qu'avaient des millions d'Européens dans notre histoire collective, c'était l'armée rouge et les Russes, c'est-à-dire 20 millions de morts pour nous libérer de la barbarie nazie. Eh bien, cette armée-là, ça n'est pas celle que je vois en train d'agir en Ukraine, en train de massacrer des pauvres gens, de bombarder des cités populaires et de menacer la Terre entière de guerre nucléaire. Autrefois, la Russie avait une station spatiale qui s'appelait Mir, la paix. Donc nous, on attendait les Russes la paix, pas dans la guerre. Et ça va mieux le disant, parce que sur ce plateau, vous nous aviez dit avec Jeff, vous en souvenez très bien, que la Russie n'était pas un ennemi. C'était en décembre dernier, le contexte a évidemment changé, mais on vous entend. Aujourd'hui, il y a une dernière image. Mais bien sûr, attendez, non, je suis pas d'accord pour qu'on en alors allez-y. Je n'ai pas changé d'avis. Je suis un non-aligné. Donc, j'ai dit, on ne fait pas entrer l'OTAN dans ce pays, comme je ne suis pas pour qu'on le fasse entrer en Géorgie et ailleurs. Mais les Russes n'ont pas à passer la frontière. Ils ont passé la frontière à 5h du matin. À 7h, j'ai expliqué que l'ennemi, c'était le gouvernement de M. Poutine et personne d'autre. Il faut avoir un principe constant. J'ai des principes constants en matière internationale. Je ne peux pas laisser passer ça. Il l'avait aussi passé en Crimée en 2014. Et alors ? Eh bien, je ne crois pas que vous aviez beaucoup condamné à l'époque. Eh bien, c'est que vous êtes sourd ou que vous n'avez aucune mémoire. Parce que j'ai condamné. Et à plusieurs reprises. Par conséquent, je l'ai fait. Et après, j'ai dit, la Crimée est russe. Mais si vous voulez des confidences, je ne suis pas le seul à dire ça. D'accord ? Ma position politique, c'était la même que celle de M. Védrine ou celle de l'ancien Premier ministre, M. de Villepin. Nous avons la même position, c'est une position traditionnelle des Français. L'un est de droite, l'autre est socialiste, et moi, je suis un insoumis. Et nous parlons de la même voix quand il s'agit des affaires étrangères. Alors vous avez des bellicistes en France. Alors on n'en finirait plus d'amener des armes, et je ne sais quoi encore, et de commencer nous-mêmes une guerre. Mais je ne vois pas que ce soit un point de vue majoritaire en France. Les Français veulent pas la guerre, donc ils ont besoin de dirigeants habiles qui sachent éviter la guerre tout en la faisant cesser. Nous voulons que M. Poutine arrête, nous voulons qu'il sorte de là, et je redis ce que je veux dire solennellement, je crois que je m'entendrai avec M. Macron sur le sujet. Merci. Comme l'a demandé M. Zelensky, il faut envoyer des casques bleus devant les centrales nucléaires. Et s'il le faut, c'est les Français qui iront le faire. Merci Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, peut-être Prométhéen dans un mois et demi et quelques en France. Pas. Merci beaucoup d'avoir été. Il y avait du bon chez Épiméthée, il est brave, il nous a fait la nature. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, merci à tous. Merci. C'est le jeu de la politique. Ils se sont soumis au programme de la France insoumise. Ces gens qui militent, ils savent. On sait tous ce qu'a fait le PS. Quand on a été un vrai militant ou un sympathisant, un vrai, pas quelqu'un qui vote comme ça en fonction d'un post Instagram. Ils savent ce qu'on fait le PS. Il va y avoir des grosses pénuries, des très grosses pénuries. Vous avez eu la crise de la zone euro avec la Grèce. Austérité, ça va être plus dur. Vous avez eu la crise sanitaire, ça va être plus dur. Vous avez l'Ukraine, ça va être plus dur. On leur dit constamment ça. Serrez-vous la ceinture, ça va être plus dur. Vous devez supporter. Ça fait des années qu'on leur dit ça. C'est pas possible. Non, c'est faux. Il n'y a pas qu'un seul avenir. Il n'y a pas que cet avenir-là. Une semaine après l'élection présidentielle, 6 semaines avant les législatives, le défilé du 1er mai s'est déroulé dans un contexte d'entre 3 tours qui a donné une allure particulièrement politique à cette journée internationale des travailleurs. Dans les rues de Paris, ce sont plusieurs milliers de manifestants et manifestantes qui ont défilé pour montrer leur opposition à Emmanuel Macron, pour exiger plus de justice sociale, mais aussi pour dire aux partis de la gauche de s'unir. Dans la journée, nous avons pu apercevoir quelques dirigeants de gauche se saluer au milieu du cortège, mais ce qui était véritablement attendu, c'était les discussions entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts qui ont eu lieu le soir même et qui se sont terminées tardivement dans la nuit entre dimanche et lundi. À cette heure, où en sont les négociations pour une union populaire? On fera le point avec notre analyste Thomas Porcher. Et puis la déception de certains économistes face à la croissance zéro de la France. L'INSEE a publié les chiffres de la croissance économique du pays vendredi dernier. On décrypte tout ça avec Thomas, c'est l'instant Porcher. Nous sommes à quelques millimètres de nous entendre tous. Ce sont les mots prononcés par Jean-Luc Mélenchon ce dimanche au départ du défilé du 1er mai à Paris. À 5 semaines des législatives, le leader des Insoumis s'est voulu optimiste. Il faut dire que le soir même, des discussions avaient encore lieu entre les différents partis de gauche. Elles ont terminé tard dans la nuit du 1er au 2 mai. Et on a appris ce matin qu'un accord historique a été conclu entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts sous le label commun de Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Une rencontre doit avoir lieu aujourd'hui entre LFI et le Parti communiste français. Fabien Roussel s'est exprimé ce matin sur France Info. On l'écoute. L'accord est donc tombé au milieu de la nuit, un premier accord entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise pour les législatives. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous vous en félicitez? Mais bien sûr que c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'aujourd'hui, nous arriverons, nous aussi, à parvenir à conclure cet accord dans la journée, dans la soirée, dans la nuit s'il le faut, jusqu'au bout. Il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A, c'est celle de nous rassembler et de parvenir à construire cette grande coalition de la gauche pour enfin prendre notre revanche sur ces élections présidentielles. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, à cette heure, où en sont les négociations entre les partis de gauche ? Comme tu l'as très bien dit, hein, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise ont réussi à s'entendre. Le PS, on a vu hier les poignées de main entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, a priori ça devrait se faire aussi. Et Fabien Roussel l'a dit ce matin, hein, qu'il était pour l'alliance. Et puis la greffe entre le PC et la France Insoumise, qui sont des partis quand même frères, qui ont fait campagne ensemble depuis la création du Front de Gauche jusqu'à cette élection, ils ont décidé de se séparer, mais qui se connaissent très bien, devraient se faire aussi assez facilement. Donc là, Mélenchon, finalement, Mélenchon et la France Insoumise ont réussi leur pari d'allier tous les partis derrière des éléments programmatiques. Enfin, la France Insoumise a réussi son pari, faut le dire. Est-ce qu'il y a une véritable chance que la gauche soit majoritaire à l'Assemblée? Alors là, se pose quand même la question de la campagne qui va être menée après. Une élection législative, c'est quoi? C'est 50% du national, quand on dit du national, c'est-à-dire des accords de parti, c'est ce qu'ils sont en train de faire, et 50%, c'est du local. Le local, c'est faire campagne. Le pari qu'a fait Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, c'était de faire voter des gens, de ramener aux urnes des gens qui ne votaient plus, notamment dans les banlieues. Il a réussi son coup. Là, pour qu'il puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale, il faut qu'il fasse la même chose. Donc il va falloir faire campagne. Il va falloir que les gens considèrent cette élection comme une élection importante. Et il a bien commencé, puisqu'il a tourné cette élection, qui est normalement une élection, je veux dire, qui est un passage de douane après une présidentielle. On l'a vu la dernière fois. Moi, je me souviens, en 2017, la victoire d'En Marche, moi, dans là où j'habite, il n'y a eu aucune campagne. Le député En Marche, le candidat député a juste mis une affiche, je vous l'ai dit, le seul candidat En Marche. Ça a suffi pour qu'il gagne. Donc il n'y avait vraiment pas d'enthousiasme autour de cette présidentielle. Là, le fait de redéfinir ça comme un troisième tour, comme une cohabitation, comme Mélenchon Premier ministre, c'est extrêmement astucieux parce que finalement, la campagne présidentielle n'a pas été très excitante. Macron n'a pas vraiment fait campagne. Il a fait campagne après le premier tour. Il a utilisé la guerre en Ukraine, la crise sanitaire pour justement ne pas faire campagne et montrer en fait que voilà, lui c'était le garant d'une stabilité et que sans lui c'était ça allait être le déluge et la crise. Il y avait un tête-à-tête du Rassemblement National et de En Marche qui était prévu. On nous parle tout le temps de ça depuis le début du quinquennat. Et là, c'est ce qui a eu lieu. Donc là, vraiment, Cette élection présidentielle n'a pas été une vraie élection comme les autres années où les campagnes duraient 6 mois, etc. Ça a été très rapide, ça a été une campagne éclair. Donc, reprendre les législatives pour dire, voilà, là, c'est aussi, ça fait partie de la campagne présidentielle qu'on vous a plus ou moins volé ou qui a été fait rapidement comme ça en catimini, et on va continuer sur les législatives, c'est astucieux. Mais il ne faut pas négliger la part, en fait, du local. Là, il y a les accords de partis, il y a les circonscriptions qu'on offre à certains partis, les postes qu'on garantit à certains partis. Et puis après, il y a la campagne locale. Et là, la campagne locale, il va falloir la mener. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes juste une tête de liste que vous allez faire voter des gens qui n'ont pas l'habitude de voter. Et c'est là que ça va être, à mon avis, il faut que ça parte rapidement déjà. Parce que là, la campagne, les élections, c'est bientôt. Et puis, il faut que ce soit mené très sérieusement. Parce que là, vous devez aller convaincre les populations locales. Et les tensions qu'il peut y avoir entre militants, parfois, des militants qui sont opposés, peuvent être compliquées à ce moment-là. Voilà. Parce qu'il y a des militants, des sympathisants qui ont une certaine idée et qui vont devoir faire campagne pour des gens du PS. Voilà. Et donc là, il va falloir que chacun trouve sa place et que ça se passe bien. Parce que si c'est une campagne qui est minée par des boules puantes, ça se passera mal. Alors ce dimanche, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, était l'invité de l'émission Questions politiques sur France Inter. Durant l'émission, les journalistes ont plusieurs fois souligné ces changements de position sur diverses idées, comme par exemple celui du recul de l'âge légal du départ à la retraite. Et au cours de l'interview, on lui a même demandé où est-ce qu'il se situait politiquement. Alors Thomas, peux-tu comprendre toi les critiques que l'on fait quand on constate le changement de position de certains partis en moins d'une semaine, par exemple? Oui, c'est bien sûr. C'est pour toute personne qui n'a pas la question du poste. Parce que là, en fait, ce qui se passe dans les négociations de partis, c'est la distribution des postes. Mais ça fait partie du jeu politique, encore une fois. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens aient ça en tête, même s'ils ne sont pas d'accord. Moi, je trouve ça assez horrible, parce que là, on est chez un DRH, là. Un DRH qui distribue des postes en fonction des accords. Enfin, les 100 circonscriptions qui ont été données à Europe Écologie Les Verts, elles ont été données parce qu'il y avait une chance qu'ils gagnent aussi. Hein. On ne donne jamais des circonscriptions perdantes. Donc il y a un jeu vraiment de qui va avoir le poste et qui peut gagner, de négociation pour des postes. Alors, on fait comme s'il y avait des idées. Bien sûr, là, la France insoumise, c'est ses idées qu'elle a défendues depuis le début. Elle a demandé, comme base de négociation, que ses idées soient respectées. Et des partis qui n'avaient pas les mêmes idées ont accepté. Et là, la motivation de ces partis-là, souvent, c'est une motivation aussi de poste. Donc je comprends, moi, que ça hérisse un petit peu les militants. Et les journalistes ont raison de montrer que, voilà, le socle idéologique du PS, c'est un socle quand même qui est assez fluctuant. Hein, c'est assez fluctuant parce que là, bon, quand on a fait le CICE, quand on a fait les baisses des dotations, quand on a été 5 ans au pouvoir et qu'on n'a jamais parlé d'augmentation du SMIC, puis que d'un seul coup, c'était même l'inverse, parce que le CICE, ça devait nous redonner de la compétitivité, puis que d'un seul coup, on dit qu'il faut augmenter les salaires, c'est un petit peu difficile à croire. Mais quand bien même, c'est le jeu de la politique. Voilà, c'est le jeu de la politique qui est parfois ignoble, horrible. Parce que moi, je vois depuis ce matin, sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de militants qui ont fait probablement toute la campagne. Et peut-être parfois, pour certains, c'est leur troisième campagne. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2012, 2017, 2022 pour la France insoumise. Enfin, à l'époque, ça avait un autre nom, mais pour soutenir en tous les cas Mélenchon. Et qui, là, se présentaient dans leur circonscription, où ils ont un ancrage local, c'est-à-dire un vrai. Mais ils vont devoir céder leur place à cause de l'accord, à quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts, ce qui est très difficile, mais ce qui va être encore plus difficile quand vous devez céder votre place à quelqu'un du Parti Socialiste. Parce que tous ces gens-là, ils se sont dit à un moment, le plus jamais PS. On s'en souvient, ça. Beaucoup de gens l'ont dit. Et là, ils vont devoir faire campagne pour des gens du PS. Donc ça doit être extrêmement difficile, ça doit être une blessure, moi je pense, profonde. Une blessure, déjà, sur le fond, parce qu'on sait ce qu'a fait le PS, et ces gens qui militent, ils savent. On sait tous ce qu'a fait le PS. Quand on a été un vrai militant ou un sympathisant, un vrai... pas quelqu'un qui vote comme ça en fonction d'un post Instagram. Moi, je parle vraiment des gens qui sont des vrais... Ils savent ce qu'on fait le PS. Donc un accord avec le PS signifie quand même de renier un certain nombre de ses valeurs et de ses idées. Mais c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que ces partis-là ne parlent pas à égalité avec la France insoumise. La France insoumise a montré qu'elle était beaucoup plus forte. Ils se sont soumis au programme de la France insoumise. Ce qui change complètement le rapport de force. Et donc les gens vont devoir... faire en sorte, voilà, qu'il y ait cette majorité la plus large à l'Assemblée. Mais il va falloir vraiment faire attention, moi, je pense, à tous les problèmes locaux. Et il va falloir qu'un certain nombre de sympathisants et de militants, ce qui est extrêmement difficile, moi, je ne sais pas si j'arriverai à le faire, sincèrement, passent toutes les différences, mettent toutes les différences qu'il peut y avoir sur le fond, comme sur la forme, avec certains militants, parfois, qu'ils ont connus et qu'ils ont combattus au régional ou ailleurs, derrière, pour avoir cette majorité à l'Assemblée. Ce qui, je pense, va être très difficile, parce que quand on est dans un combat depuis longtemps et qu'on prend les choses au sérieux, c'est quand même très difficile de dire « bon ben, je vais laisser ma place à Olivier Faure qui a défendu le CICE et la loi travail ». C'est très difficile. Entre janvier et mars 2022, le produit intérieur brut du pays est resté stable. C'est ce que révèlent les données de l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, publiées vendredi dernier. Alors une croissance zéro qui déçoit les économistes comme Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Donc le variant Omicron en début d'année, la guerre en Ukraine et l'inflation plus forte que prévu ont finalement eu un impact plus fort qu'anticipé. Thomas, peux-tu nous faire un point sur la situation économique en France ? Alors, quand on regarde la situation, tu l'as rappelé, taux de croissance à 0%, ce qui est extrêmement mauvais, parce qu'il faut qu'on ait un taux de croissance supérieur à 1,5 pour pouvoir absorber les gens qui arrivent sur le marché de l'emploi. Là, une croissance à zéro, avec une population qui augmente, avec des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, ça signifie qu'il n'y aura pas des postes pour tout le monde, hein, et ça signifie en fait qu'en PIB par habitant, on s'appauvrit quelque part, d'accord ? Sachant que nous ne sommes pas revenus à notre niveau de richesse d'avant crise Covid, d'avant 2019. Donc nous sommes déjà plus pauvres et le rattrapage n'a pas lieu puisqu'on a 0% de croissance. Donc la situation est un petit peu difficile. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, et c'est ça en fait, c'est que la croissance, elle ne tombe pas du ciel. La croissance ne tombe pas du ciel. Alors effectivement, il y a des effets conjoncturels, la guerre, la crise, mais elle ne tombe pas du ciel. Quand vous créez un emploi, vous créez de la croissance. Et aujourd'hui, il y a plein de secteurs où on a besoin d'emplois. Il y en a plein, plein. La santé, la petite enfance, l'éducation, la transition écologique, il y a plein de secteurs où il y a des besoins. Voilà, il y a des besoins. Et là, on pourrait créer des emplois. Mais il faut qu'il y ait un plan de relance, voilà, d'investissement très fort dans ces secteurs-là. Et là, vous allez créer de la croissance. Si vous créez de la croissance, vous augmentez le PIB sur le déficit, hein, vous réduisez le déficit et ainsi de suite. Donc, il y a tout un tas de secteurs qui méritent d'être investis et il faut se pencher là-dessus. Alors, Macron, c'est pas son but, parce que Macron, le premier but qu'il a, il l'a dit plus ou moins, c'est de faire en sorte que les déficits se réduisent, la dette se réduise, hein, voilà, d'avoir des beaux chiffres pour avoir l'air crédible auprès de ses partenaires européens. Moi, après, quand je regarde l'économie telle qu'elle est, ce que je vois, c'est qu'il y a des secteurs qui ont des besoins. Et pourquoi on n'investit pas dans ces secteurs-là ? Bah, il faut le faire. Ça va créer des emplois, ça va créer de l'activité, et ça va être utile socialement aux gens, parce que quand vous avez des places en crèche, vous êtes content, quand vous avez un bon hôpital, vous êtes content, mais ça va être aussi utile pour la transition écologique, parce qu'il va falloir faire en sorte que cette transition écologique s'accélère. Donc oui, les chiffres sont mauvais, mais oui, il y a une solution. Et il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est qu'est-ce que nous a révélé l'élection présidentielle ? Qu'est-ce qu'elle nous a révélé grosso modo ? C'est qu'il y a deux tiers, il y a dans les trois blocs, il y a deux tiers donc, des Français qui sentent qu'il y a un problème dans le fonctionnement de l'économie, qui ont très bien compris que l'économie profite à un petit nombre. Quand on voit les salaires des grands patrons, quand on voit les SMIC qui n'augmentent pas ou qui augmentent très peu, quand on voit les fins de mois difficiles, les gens se rendent compte que ça profite à une petite partie. Et ils l'ont manifesté dans leur vote. Parfois, ils ont voté pour le Rassemblement national. Pour moi, c'est une erreur. Parfois, ils ont voté pour la France insoumise. Mais ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas bien. Voilà, la question économique ne fonctionne pas bien. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Il n'y a qu'un tiers là, qui ont voté pour Macron pour qui ça fonctionne à peu près bien. Donc il faut absolument changer l'économie. Là, il faut complètement la changer et aller vers ce que les gens demandent, c'est-à-dire avoir des salaires un peu plus élevés, donc réduire les inégalités par la hausse des salaires, avoir des services publics à la hauteur, des transports, etc., pour qu'ils soient moins dépendants de la voiture, mais aussi des hôpitaux et de l'éducation. Et ça, ce virage, il peut être fait. Mais il faut qu'à la tête du pouvoir, il y ait quelqu'un qui partage ces idées-là. Mais il peut être fait. Donc ce qui se passe aujourd'hui économiquement, les indicateurs sont mauvais, mais une autre voie est possible pour que ça se passe mieux. Voilà, ça, il faut toujours le dire. C'est pas une fatalité. Parce que là, ce qu'on est en train de dire aux Français, c'est vous avez eu la crise de 2008, ça va être plus dur. Vous avez eu la crise de la zone euro avec la Grèce, austérité, ça va être plus dur. Vous avez eu la crise sanitaire, ça va être plus dur. Vous avez l'Ukraine, ça va être plus dur. On leur dit constamment ça. Serrez-vous la ceinture, ça va être plus dur. Vous devez supporter. Ça fait des années qu'on leur dit ça. C'est pas possible. Non, c'est faux. Il n'y a pas qu'un seul avenir. Il n'y a pas que cet avenir-là. Il y a un autre avenir aussi qui est possible en économie. Et en économie, il y a toujours plusieurs avenirs possibles. Il faut le savoir. L'augmentation de la dette publique, les taux d'intérêt et l'inflation comportent-ils véritablement un risque alors ? Alors, il faut faire attention. La dette publique a augmenté très fortement, c'est vrai. Mais elle a augmenté dans tous les autres pays. Donc si on était les seuls à avoir une dette publique qui augmente de cette façon-là et que ça n'augmentait pas dans les autres pays, ça pourrait être un problème. Mais là, ça a augmenté dans tous les autres pays. Pourquoi ? Parce que tout le monde a fait grosso modo le quoi qu'il en coûte pour soutenir l'activité pendant la crise du Covid. D'ailleurs, notre dette a augmenté moins vite quand on regarde après la crise de 2008, entre 2008 et 2017. On nous parlait beaucoup des problèmes de la dette française, etc. Mais notre dette augmentait déjà moins vite que celle des États-Unis et que celle du Royaume-Uni. Donc là, notre dette a augmenté dans des proportions parfaitement normales comme les autres pays. Donc c'est ça qui est important, c'est la comparaison. Donc la dette, il faut la surveiller, mais il ne faut pas s'en inquiéter. D'accord ? Parce que les gens s'en inquiètent beaucoup quand il faut faire des économies à l'hôpital. quand il faut faire des économies sur l'éducation, mais quand on retire 20 milliards de baisses d'impôts aux entreprises et aux 1% et 10% les plus riches via l'ISF et la flat tax, bon là, il n'y a plus de problème. D'accord ? Donc on se prive de plus de 20 milliards de rentrées fiscales de manière pérenne, ciblée sur un petit nombre d'individus dans la société, là, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on coupe dans l'hôpital et tout, là, c'est très bien. Donc il faut faire attention avec ce double langage qu'il y a eu sur la dette. La dette, aujourd'hui, n'est pas un problème. Voilà, il faut la surveiller, mais ça n'est pas un problème. Ça, c'est la première chose. Et puis si, via les mesures que j'ai dit de relance économique, vous augmentez le PIB, la dette est nivelée en pourcentage de PIB. Si le PIB augmente plus vite que la dette, bah là, vous avez une dette qui se réduit en pourcentage de PIB. Donc il ne faut pas regarder que la dette a compressé, il faut aussi regarder le PIB augmenter plus vite. Ça, c'est la première des choses. Sur les taux d'intérêt, c'est vrai qu'ils augmentent un petit peu. Mais ils sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on avait dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de la charge de la dette, des taux d'intérêt, très très forte ces 10 dernières années. Donc là, ils remontent un petit peu, pareil, c'est à surveiller. Mais on reste largement en dessous de ce qu'on a eu à certaines époques, où des politiques libérales, de désinflation compétitive étaient mises en place. Donc il faut arrêter d'agiter des chiffons comme ça, les gens ils les agitent tout en ne sachant pas de quoi ils parlent réellement, en disant « oui, ça augmente ». Oui, ça augmente, on surveille, mais quand on regarde sur des tendances un peu plus lourdes, on est à des taux extrêmement faibles. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut dire. Et la dernière, c'est sur l'inflation. L'inflation, à 5%, d'un point de vue macroéconomique, quand on est en dessous de 10%, grosso modo, on n'arrive pas à situer si c'est un problème. C'est-à-dire que si c'est 5, 8 ou 3, on n'arrive pas à situer si c'est un problème. Il n'y a pas de consensus là-dessus chez les économistes. Mais c'est un problème au jour le jour pour les bas salaires. Parce que tout augmente. Les carburants augmentent, les biens alimentaires augmentent, etc. Donc la vraie question, c'est de faire en sorte que ces bas salaires, parce que les hauts salaires, eux, ne la sentent pas l'inflation, que ces bas salaires puissent subvenir à leurs besoins. Et à commencer par ceux qui touchent le salaire minimum, le SMIC. Donc comment on fait ? Ben on augmente les salaires. Comment on fait ? On les augmente au rythme de l'inflation et également en tenant compte du revenu moyen. Mais on les augmente très fortement. Et puis on augmente aussi toutes les prestations sociales. Vous regardez aujourd'hui, les prestations sociales, elles ont augmenté de quoi ? Elles ont augmenté de rien du tout. Elles ont augmenté de à peine 1%. Donc elles ne suivent pas l'inflation. Là, il faudrait aussi que ça suive l'inflation. Parce que les prestations sociales, c'est ce qu'on donne aux plus pauvres. Vous voyez ? Donc c'est important de faire en sorte voilà, que ceux qui sont en dessous du salaire médian puissent avoir un salaire qui augmente pour pouvoir subvenir à ces problèmes d'inflation. Or, ces dernières années, on a toujours dit qu'il ne fallait pas augmenter les salaires du bas parce que ça pesait sur la compétitivité. Les salaires du haut, eux, ils pouvaient s'envoler dans des proportions stratosphériques que personne n'arrive à comptabiliser. Mais en bas, on ne pouvait pas les augmenter parce que la compétitivité internationale, etc. Or, on se rend compte que les bas salaires ne sont pas, en général, dans des secteurs qui sont liés à la concurrence internationale. Ils sont dans le service à la personne, dans la restauration. Vous voyez, dans des secteurs d'activité où il n'y a pas de concurrence internationale. Donc on peut les augmenter, ces salaires. Donc il faut absolument, pareil, qu'on ait... Bon, là, la France insoumise, et c'est une des conditions programmatiques pour que les autres partis la rejoignent. Mais s'ils gagnent, il va falloir vraiment avoir une vraie question sur ces bas salaires. Et au-delà du SMIC, même sur les salaires en dessous du salaire médian. Parce qu'on ne peut plus vivre dignement avec ces salaires-là. Et alors concernant les pénuries alimentaires, on entend beaucoup parler, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, a plutôt été rassurant à ce sujet, mais est-ce qu'il y a un risque de pénurie alimentaire dans certains pays ? Oui, oh, il y a un gros... là vous avez grosso modo avec ce qui se passe, enfin, l'Ukraine et la Russie sont des gros producteurs de blé. L'Ukraine en plus c'est ce qu'on appelle un swing producer, c'est-à-dire c'est un producteur qui peut s'adapter à des aléas de la demande. S'il y a plus de demandes parce qu'il y a eu, je sais pas moi, une sécheresse ou un gel dans un autre pays producteur, l'Ukraine pouvait compenser en rajoutant de la production. Or, ces deux pays, aujourd'hui, sont impactés par la guerre. Enfin, l'Ukraine est impactée très fortement par la guerre et la Russie garde une partie de ses réserves pour elle-même. Voilà. Parce qu'avec les sanctions internationales, elle a plus de mal à les écouler et ainsi de suite. Et puis, je pense qu'elle prévoit peut-être qu'il puisse y avoir un problème. Donc, elle garde une partie de ses réserves pour elle. Donc, il va y avoir des grosses pénuries, des très grosses pénuries. Là, on estime qu'il y a 45 pays africains et pays les moins avancés qui sont à risque aujourd'hui. Il y a plus d'un milliard d'individus là qui risquent de basculer dans la pauvreté et la faim. Donc et ça peut être très déstabilisant pour certaines zones. Les révoltes arabes, ça a commencé parce que vous avez le prix du pain qui a augmenté, quelqu'un qui s'est immolé par le feu. Donc les denrées alimentaires ont augmenté. Les gens arrivaient à survivre. Alors, parce qu'il y a des pays où ils mangent l'aliment principal, c'est le pain. L'Égypte, etc. Donc arriver à survivre, puis les prix augmentent, ils n'arrivent plus à survivre, donc ils n'en peuvent plus, ils s'immolent par le feu. Ça va mettre des gens dans la pauvreté, dans la faim. Donc ça va déstabiliser des régions entières, cette crise-là. Donc en France, il n'y a pas de gros problèmes, à part l'inflation qui touche les classes modestes, qui reste un problème. Mais dans le monde, il risque d'y avoir des problèmes assez forts si le conflit continue à s'enliser. Parce que quand les matières premières augmentent, vous savez déjà, le Covid avait été une régression très forte. Dans la lutte contre la pauvreté, qui était déjà pas fameuse, parce que la lutte contre la pauvreté au niveau international, La plupart des gens qui sont sortis de la pauvreté sont des gens qui vivent en Chine ou en Inde, des pays à fort taux de croissance. Mais en Afrique, la pauvreté a augmenté ces dernières années. Avec la crise du Covid, elle a encore plus augmenté. Et là, avec la crise alimentaire, ça risque d'être... Donc vous avez pareil un cumul de chocs qui risque de déstabiliser des populations entières et des pays entiers. Donc là, il y a un vrai risque de géopolitique internationale, clairement. Merci à vous d'avoir regardé cet instant Porché. D'ailleurs, si vous nous regardez aujourd'hui, c'est que vous avez choisi une information différente, indépendante. Alors j'en profite pour vous dire que le média a toujours besoin de vous. Vous avez vu, il y a quelques jours, nous avons lancé une campagne de dons et il ne manque désormais plus que 400 abonnés payants à partir de 5 € par mois pour sauver le média. Alors si vous voulez nous aider, rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Merci encore de nous faire confiance. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel instant Porché. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur le Média. Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon dans le salon chinois où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craquants sans brémeuse, des forts en téléum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Je vous propose de revivre toute la période des grandes invasions par une série de petites cartes animées. Ça va nous emmener jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Alors pour ça, on va se mettre à la place des Romains, mais aussi des barbares, hein, on va se faire plaisir. Dans cette première vidéo, on va déjà faire un état des lieux de la situation dans l'Empire romain vers l'an 370. À cette époque, on est en plein dans l'Antiquité tardive. C'est ce qu'on appelle le Bas-Empire. Donc rien à voir avec la période de gloire de l'Empire romain. Il faut savoir qu'au siècle précédent, il y a une période dramatique, hein, qu'on appelle l'anarchie militaire, avec des invasions de barbares à n'en plus finir, sur le Rhin, sur le Danube, depuis l'Empire perse, le tout cumulé à des guerres civiles dues à des luttes de pouvoir entre empereurs rivaux. L'Empire a bien failli y rester, mais finalement, c'est l'empereur Dioclétien qui a fini par redresser la barre. Pour ça, il a utilisé deux moyens particulièrement efficaces. D'abord, il a embauché des barbares pour qu'ils servent dans l'armée romaine. Bon, il faut dire que les Romains ont été ramollis par le confort de la civilisation, hein, ils savent à peine tenir une arme. Aujourd'hui, seul un Germain peut en vaincre un autre. La deuxième astuce, ça a été de mettre simultanément deux empereurs à la tête de l'Empire. Un qui s'occupe des frontières de l'Occident et l'autre qui s'occupe de l'Orient. En 370, les deux compères s'appellent Valentinien et Valens et ils ménagent pas leurs efforts pour repousser les barbares. Alors attention, l'Empire romain n'est pas divisé pour autant. Le trésor reste commun aux deux empereurs. Ça veut dire notamment que les richesses de l'Orient peuvent encore servir à payer les armées d'Occident. Je pense aux mines d'or d'Anatolie, hein, celles qui ont fait la richesse de Midas, de Crésus notamment, et qui peuvent servir à payer tribut aux barbares. Et puis il y a le blé d'Égypte, hein, qui alimente tout l'Empire. D'ailleurs, c'est en perdant ces matières premières que l'Occident va amorcer sa chute. Pour l'instant, la différence entre l'Orient et l'Occident est surtout linguistique. À l'Ouest, on parle latin dans toutes les grandes villes, alors qu'à l'Est, on parle le grec. Bon, c'est pas pour ça que tout le monde parle grec ou latin à la maison, hein. Par exemple, au fin fond des campagnes de Gaule, on parle encore des dialectes celtiques. Pareil dans l'île de Bretagne. Pour ce qui est de l'Afrique, les berbères sont encore très majoritaires. Et en Égypte, la population rurale parle le copte, qui découle directement de l'ancien égyptien. Cela dit, on sent bien que les mondes grecs et latins créent déjà une fracture entre l'Orient et l'Occident qui va faire que s'amplifier dans les décennies à venir. Un dernier mot au sujet de la religion. Suite à l'anarchie militaire, les gens ont commencé à douter de leurs anciens dieux. Du coup, le christianisme s'est rué dans la brèche. Depuis l'empereur Constantin, la mutation religieuse n'arrête pas de prendre de l'ampleur. Bon, aujourd'hui, le christianisme n'est pas encore une religion d'État, mais il continue de gagner des parts de marché. En fait, les chrétiens eux-mêmes ne sont pas encore tout à fait sûrs de la véritable nature de Jésus. En gros, il y a deux tendances. Il y a les ariens qui pensent que Dieu a créé Jésus pour diffuser sa bonne parole. Donc, ils mettent une hiérarchie hein, entre le Père créateur et Jésus sa créature. Et puis au contraire, les nicéens qui considèrent que Jésus est Dieu lui-même. Hein, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu, c'est tout ça à la fois. C'est ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Bon, aujourd'hui, ça nous paraît complètement dérisoire, mais à l'époque, les gens trouvaient ça fondamental. Et on va voir que ça va entraîner des conséquences politiques majeures. Voilà pour l'état des lieux en l'an 370. Il est temps maintenant de se mettre dans la peau de ceux qui vont mettre un coup de pied dans la fourmilière, les Huns. Chanson à foule l'uninio. Watashi wa kile ina chanson inio. Kono yo wa bala ilo no bonbon mitaine. Watashi no uta wa dare demo kikeru wa. Minna watashi no tsugata mo mieru wa. Chanson qui te odori dasu Minata no shiso oni shite iru kedo Honto no ai nante uta no daka dake yo. Kikeru wa Minna watashi no Nugata mo mieru wa Watashi wa tokidoki Tame iki tsuku Otoko no kohitori mo Shiri mo shinai no ni Ai no uta uta Uso no sabishisa Watashi wa tada no ninyo, sore demo itsuka wa. Omoi wo kometa chanson, utaatte doko ka no. Tsuteki na dai. Kasanto Kuchisuke Shita Iwa. Après l'état des lieux, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On va rendre visite aux principaux fauteurs de troubles, les Huns. Pour ça, il va falloir abandonner notre empire romain un moment pour aller pratiquement de l'autre côté de la planète, en Chine. Il faut savoir que l'empire romain et l'empire chinois ont connu leur période de gloire à peu près en même temps. Mais autant l'empire romain a survécu à sa décadence, autant l'empire chinois s'est retrouvé chaos, complètement atomisé par les guerres civiles et les attaques des barbares. En Chine, l'usine de production à barbares est assez facile à identifier, c'est la Mongolie. C'est d'ailleurs là qu'on trouve la Grande Muraille. Elle sépare les méchants éleveurs nomades des gentils agriculteurs sédentaires. Avec la chute de l'Empire, les Mongols se sont installés massivement en Chine du Nord. Mais les Chinois sont en train de se réveiller. Il règne là-bas un tel marasme que je vous déconseille d'y mettre les pieds. C'est justement ce que se disent certaines tribus mongoles. Un beau jour, elles décident de foutre le camp pour retrouver des steppes un peu plus paisibles. C'est le début de la migration des Huns. Alors bon, il n'y a pas 36 issues, hein. À l'est, c'est la Chine, hein, épouvantable. Au nord, la forêt sibérienne, impénétrable. Et au sud, l'empire perse qui veille au grain. Donc, il ne reste plus que la route de l'ouest. Alors ça se fait pas en ligne droite, hein. En été, les Huns viennent chercher de l'eau plus au nord. Et en hiver, ils repartent au sud pour y trouver de la chaleur. Par contre, ils sont sûrs d'une chose, pour éviter de prendre les coups, il faut aller vers l'ouest. Au fur et à mesure, toutes les tribus vaincues doivent rejoindre la horde. Résultat, elle grossit de jour en jour. Et puis vient un beau matin où les Huns tombent sur un os. La Volga leur barre le chemin. Alors c'est très symbolique, hein. La Volga, ça deviendra la frontière entre l'Asie et l'Europe. Changement complet d'ambiance. À l'ouest, on trouve des cavaliers d'un genre complètement nouveau, les Alains, apparentés aux Scythes. Et voilà donc que les petits jaunes aux cheveux noirs se retrouvent tout à coup face à des grands blonds aux yeux bleus. Et pas n'importe lesquels, hein. Ce sont eux qui ont domestiqué le cheval à l'origine. En fait, les Huns ont atteint le bastion des Indo-Européens, ceux qui ont conquis le monde depuis l'Europe jusqu'à l'Inde, carrément. Bref, les Alains sont des adversaires redoutables. Mais les Huns ont de la suite dans les idées. Ils profitent de l'hiver pour traverser la Volga gelée, près de l'endroit qui deviendra Stalingrad. De l'autre côté, ils livrent une bataille complètement inconnue. Aucun écrivain n'a pu y assister. En tout cas, ce sont les Huns qui gagnent. Les Alains se divisent aussitôt en deux groupes. Il y a une partie qui intègre la Horde, et une autre qui décide de s'enfuir vers l'ouest. Et voilà le jeu des chaises musicales qui s'amorce. Tout le monde va se mettre à fuir de proche en proche jusqu'à la chute de Rome, et même au-delà. D'autant que les Huns ne s'arrêtent pas là. Ils poursuivent leurs fuyards. En faisant ça, ils commencent à quitter leur paysage de steppe au profit des champs et des forêts. Le Don marque une nouvelle frontière. C'est là qu'on trouve à nouveau des agriculteurs sédentaires regroupés en vastes royaumes. C'est le début du pays des Germains. Plus précisément, c'est là qu'habitent les Goths, qui sont pas moins redoutables que les Alains. C'est ballot. Les Huns ont fui les royaumes chinois pour en retrouver d'autres du côté de l'Occident. Ils ont trop galopé, et ils vont retrouver les ennuis. Les Romains vont être leurs nouveaux Chinois. Pour comprendre la suite des événements, il va maintenant falloir se mettre à la place de ceux qui se retrouvent en première ligne, les Goths. Sortez vos mouchoirs, parce que ça va saigner. Tavernito en la urbo, kutime tie sidas ĉiuj ni por diskuti revojn de futuro kaj trinki al kalikoj du aŭ tri. La gajaj tagoj jen pasintaj tempoj jen. Danzo, rigi sin sentina, la vita. pasis jaroj okupitaj. Miaj sonĝoj flugis den for, sed ne perdis ni la bona espero. Brilas niaj revoj en la cor. La gaja tago jen, pasintaj tempoj jen, la kanto danco rigis nin senti. La vivo pezas jen, kontinu nia cen, la junura futur planas sen ĝen. Tavernu haltis mil vespere, samis ciu kiel frue pli. Visaggio sur la glaso spegulite, spectrigis tutte fremde tiel li. La gaia tago jen, pasintai tempo jen, la canto danzo rigis min sen fin. La vivo presa sien, con chiru mi accen, ma io non al futur plana sen gen. La la la la la. Vidas mi vin, vocas vin hieno. Hien, amico, igis ni pli agiae, peredigis nur al mi la ita sogni. La gaia tago jen, pasintai tempo jen, la canto danzo rigis nin sentin. La vivo presa sien, con tirunia sien, la inular futur plana sen gen. Et 51 secondes avant l'élection du prochain président, c'est le dernier épisode. Et quel que soit le vainqueur dimanche, bon quinquennat! Bon quinquennat aux chômeurs qui vont enfin cesser d'être vus comme des assistés, puisqu'ils seront plus assistés. Bon quinquennat aux profs dont les salaires vont enfin augmenter. À condition qu'ils travaillent 42 heures par semaine, qu'ils passent le balai dans leur classe, qu'ils préparent les frites à la cantine, qu'ils aillent chercher les élèves chez eux en Uber et qu'ils sucent le recteur s'ils veulent des crêpes bleues ou un Velleda neuf. Bon quinquennat au personnel hospitalier! J'espère que vous avez gardé vos tabliers en sac poubelle et vos gants de vaisselle du Covid, parce que si vous voulez arrondir les fins de mois, faudra faire la plonge au resto du coin. Bon quinquennat aux jeunes et surtout à leurs poumons, puisque quand la France sortira des énergies fossiles en 2097, ils seront déjà remplis d'eau à cause de la montée remontée du niveau de la mer. Vous voulez que vos futurs enfants survivent? Baisez avec un colin d'Alaska, votre descendant sera débranchi. Bon quinquennat aux mamans célibataires, allocataires du RSA, soumis à un travail bénévole, qui pour pouvoir payer le babysitting le jour, vont devoir faire du babysitting la nuit. Bon quinquennat aux femmes enceintes, qui pour quitter leur désert médical, vont devoir faire 60 km, une main sur le volant et l'autre sur la schneck, pour empêcher le bébé de sortir. Avant de revenir à pied, une glacière sous le bras, parce que leur mutuelle obligatoire ne prend en charge ni l'essence pour le retour, ni la crémation des enfants morts-nés. Bon quinquennat aux étudiants, qui pour payer leur cursus vont devoir faire leurs courses au Lidl et travailler au Lidl. Mais vu qu'ils dormiront sur le parking du Lidl, c'est bien, c'est pas loin. Bon quinquennat aux retraités, qui pour payer leurs dentiers vont devoir faire leurs courses au Lidl et travailler au Lidl. Mais vu qu'ils seront en coloc avec un étudiant sur le parking du Lidl, c'est bien, c'est pas loin. Bon quinquennat aux agriculteurs, grâce à la FNSEA et Monsanto, vous allez continuer à avoir des belles récoltes dans vos champs et des belles tumeurs dans vos thyroïdes. Bon quinquennat aux réfugiés. Charter avec Marine, camping à Calais avec Manu, le passeur qui vous a pris 5000 euros pour un Tripoli Lampedusa en paddle avait raison. En France, on a le choix pour son avenir. Bon quinquennat aux manifestants qui vont aller faire copain-copain avec des policiers qui votent à 60% pour l'extrême droite. Mon conseil, quand le tir de flashball arrive, présentez l'œil déjà crevé. Mieux vaut être deux fois borgne qu'une fois aveugle. Bon quinquennat aux policiers, à qui le ministère de l'Intérieur doit encore 20 millions d'heures supplémentaires non payées et qui vont devoir se tirer eux-mêmes dans l'œil quand ils vont aller manifester pour leur pouvoir d'achat. Bon quinquennat aux journalistes qui veulent pas travailler pour Bolloré, Pinault, Lagardère, Niel, Arnaud, Dassault, Bettencourt, Bouygues, Drahi. On vous soutiendra en vous donnant un bon pourboire quand vous viendrez nous livrer notre calzone. Bon quinquennat aux lanceurs d'alerte. Bonne nouvelle, bientôt vous serez comme vos héros, Edward Snowden ou Julian Assange, en exil ou en prison. Bon quinquennat aux animaux d'élevage qui vont continuer à grandir dans des cages en pataugeant dans leur merde avant de découvrir la lumière du jour en descendant du camion qui les emmène à l'abattoir où ils seront exécutés, éventrés, dépecés et démembrés, mais toujours dans le respect du bien-être animal. Bon quinquennat aux animaux sauvages qui, grâce aux nouvelles mesures sur la chasse, vont pouvoir gambader librement dans les campagnes le premier lundi du mois, de 14h30 à 15h30. Bon quinquennat aux amateurs de jogging qui vont pouvoir... Bon quinquennat à notre prochain président. Parce que sans emploi, sans argent, sans retraite, sans aide sociale, sans soins médicaux, sans espoir, les Français vont être sans pitié. Et ce sera bien fait pour sa gueule.